Cette semaine au Collectif, on fait un survol rapide de l'actualité. On découvre si Hollywood est au bout de son rouleau créatif et Eric nous fait un retour sur son expérience avec Big Man Japan. Place à la musique. Bienvenue à tous. Donc, Mélanie, Milter et Eric. Merci. Bienvenue, bienvenue. Bonjour. Excellent. Donc, la semaine passée, on vous a relâché notre premier épisode. Puis, on voulait vous remercier premièrement pour les compliments, les commentaires, les idées qui vont nous aider à s'améliorer au fil des épisodes. Surpris un petit peu du feedback. Vous avez vécu ça comment, vous autres? Ben... Normalement, là, je suis habitué à avoir une semi-célébrité sur Internet. Rien de moins. Ça va bien. Non, mais c'est le fun d'avoir des bons commentaires. Là. Le monde, il... en tout cas, ils ont aimé ma passion pour les nains, je pense, puis j'essaie de la partager à plus de monde possible à ce temps. Que... Je pense qu'effectivement, c'est le commentaire qui est ressorti le plus possible. Le plus possible. Ça, puis Emmy Award nain. Ouais, Emmy Award nain. Winning nain. Mais, en tout cas, mais il a vraiment gagné un Emmy, hein, vous savez. Ben écoute, il mérite. Honnêtement, là, c'est, j'ai jamais vu quelqu'un mériter un Emmy comme ça. Il nous est arrivé une petite situation aussi, puis on voulait parler à un de nos collègues de la fraternité des podcasteurs, Sébastien Bouchard de Fun Regarder Film. Il nous est arrivé une petite bavure dans le monde de la musique sans royauté. Apparemment qu'on avait le même thème. Donc, pour ceux qui ont porté attention, puis ceux qui... C'est pour vrai, je viens de l'apprendre. Moi non plus, honnêtement, on me l'a appris par Twitter. Exactement, donc par respect, puis tout simplement par accord, on a décidé d'aller avec notre propre chanson, ce qu'on voulait faire au début. Je comprends. Puis... Le gars qui avait fait de la musique, est-ce que c'était pas juste pour nous? Ouais, sauf que c'était pas sa musique qu'on a pris finalement. Sébastien de Mugeek, justement. Merci Seb, tu nous avais pondu quelques extraits. Par contre, on n'avait pas pris sa musique. Okay. Écoute, puis on avait jasé avec lui, il était au courant, il n'y avait pas vraiment eu le temps ou rien. Là. Donc, on a un nouvel extrait, un peu plus dark, mais celui-là nous appartient, puis ça va être vraiment notre musique. Donc, écoute, Sébastien Bouchard, on voulait tout simplement te dire, désolé si ça peut accorder certains inconvénients, mais là, tout est réglé, puis j'espère que c'est sans rancune. Désolé, bro. No homo, désolé, bro. Ben, dans un sens, ça a ouvert des... Come at me. Je connaissais pas son podcast, puis là... J'ai downloadé une coupe pour aller voir c'est quoi. Ouais. J'ai pas écouté encore, mais j'attends de travailler à être sur la route. Ben, j'ai écouté certains extraits, puis honnêtement, ça a du potentiel, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a une grosse scène de podcasts au Québec, puis c'est intéressant, là. Il y a un paquet de podcasts différents. Le Wild West. Ouais, un peu, hein. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réglementation, rien. C'est fait ça que... qui fait ça beau. Ouais, ouais, ouais. C'est un beau métier non rémunéré. Donc, ce qui nous amène au prochain segment, le name drop. Donc, on va parler des gens qui nous entourent, des situations qui se passent un peu avec nous. Je pense, Milter, tu voulais faire le premier name drop de la semaine. Ouais, ben oui, c'est niaiseux, là. C'est Moreau, Mr. Soul Terror sur Twitter. Il a gagné une pizza sur Facebook, puis je trouve ça écœurant. Fait que je voulais le nommer, parce que tu sais, tu t'attends à jamais deux rien pizzas, gagner. Deux pizzas? Non, non, non, en fait, une pizza, je faisais juste tester les nouveaux signes. Ah, pour, mais non, c'est quoi déjà ça? En tout cas, il a gagné des pizzas sur Facebook. Là, moi, je me disais, hey, tu gagnes rien sur Facebook, là, c'est du niaisage, puis il y a eu des pizzas. Fait que, je dois dire, j'ai gagné que toi sur Facebook, moi, dans le passé. Oh, okay. Okay. Moi aussi, moi aussi. Pour la compagnie, je travaille jour en plus. Je suis seul, mais je vais pas dire gagné. Ça. Non, t'as pas gagné, toi? Oui, j'ai rien gagné sur Facebook. Moi, j'ai gagné une copie de Sucker Punch en DVD, puis j'étais très content. En DVD? Moi, j'ai gagné un accès double pour la fête des mères au Bota Bota. Le spa sur l'eau dans le Vieux-Port. C'est quand même pas pire. J'étais sur le cul de... On m'a contacté, vous avez gagné. Wouah! ah, j'avais jamais rien gagné de ma vie, puis... Je pense que je vais porter plus attention qu'on Facebook à cette heure-là, c'est moi qui... Écoute, j'ai déjà eu des coupons pour du free shipping sur Amazon ou des affaires comme ça, mais je pense pas jamais avoir rien gagné. Je pense que tout le monde l'a, ça c'est donné à tout le monde, ça, je pense. Tu peux changer le monde en likant un status, tu peux gagner des pizzas. Je like tout. Mais voilà. Ça, c'est original, pareil, parce que le pire, c'est que... J'avais reçu un message sur Facebook de Moreau, on va l'appeler Moreau, hein. Puis écoute, il me dit va liker mon statut, ouais, il y a des pizzas. Avec. Mais je vois ça le soir, moi. Fait que là, j'arrive chez nous, puis je vois juste une photo de lui avec de la pizza. Ouais, il l'avait posté dans le groupe sur Facebook. Ben c'est ça. Comme ça, okay. Mais c'est rendu fucké pareil, ouais, parce que tu, par l'entremise de Facebook, t'as un lunch gratis. Ah, Facebook nous nice. Déjà. Ah non, regarde, écoute. 2009. On voulait aussi, ben en fait, on voulait toute la gang. Saluer l'équipe Mugeek qui passe sur les ondes de Shiz, la radio étudiante de l'Université de Laval. Qui, oui, Shiz. Non. C'est H-Y-Z. Shiz. C'est ça. Shiznet. Mais ils nous ont passé une petite entrevue cet après-midi. Puis ça fait pas mal d'exposure pour le groupe autant, puis pour le podcast. Fait qu'on voulait les remercier. Merci. À Laurence et merci Sébastien. Merci, merci. Merci beaucoup à vous autres. Merci, merci. Effectivement, merci pour les 5 minutes d'angoisse pré-téléphonique que je me rends compte que j'étais un petit peu rouillé pour les entrevues. Parce que donc, c'est un everyday life pour André. Oui, c'est sûr. Écoute-moi, c'est, ça n'a pas de sens. Mais ça fait de la bonne pub pareil, parce que Shiz, il y a au moins comme 20-30 personnes qui écoutent ça. Là, fait que c'est... Mais le pire, c'est que c'est vraiment hot, tu sais. Moi, j'aime bien ça. Non, écoutez, fait que merci beaucoup, les boys. Merci. En passant, un petit shout-out à CHUO 89.1. Comment? Chio? Chio, ça. Chio? Radio bilingue. Bilingual. Ça, c'est bon, ça. On aime ça, le monde bilingue. On aime ça, nous autres, quand ça parle de langue au Québec. On arrête ça tout de suite. Moi, donc, s'il vous plaît. Ce qui m'amène à parler d'actualité. En fait, j'en parlerai pas, mais on va faire un tour de table, savoir s'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité geek cette semaine. Eric, y a-tu quelque chose de spécial qui te vient à l'esprit ou... Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Ben, j'étais un geek que les gens connaissent de WoW, par exemple. Ça a sorti une expansion de World of Warcraft. Oui, on le sait que vous avez arrêté de jouer, vous aimez plus ça, mais il y a encore du monde qui joue. Effectivement, je pense, Mélanie, toi aussi. Fait que... Oui, mais c'est saisonnier. Saisonnier. World of Warcraft. C'est okay. L'été, ouais, j'ai une vie sociale, puis moi, être forcée de faire un raid le jeudi soir, mais le samedi soir, je m'excuse, mais l'été, j'ai d'autres choses à faire. Puis l'hiver, ça me dérange moins parce que bon, il neige, c'est plate, j'ai pas goût de sortir. Fait que c'est une chose qui me dérange un peu juste moins. Juste pour faire sûr, t'es capable de jouer. T'as pas perdu de famille encore à cause du jeu. Non, mais j'ai eu beaucoup de chicanes de couple dans le passé à cause de ça. Ouais, moi, parce que je comprends. Mais moi, c'est le contraire, c'était mon ex-chum, puis ça le mettait en crise parce que je me levais à midi comme une grosse BS, ouais. Puis je jouais jusqu'à 3h le matin. Allez, là, fais-tu autre chose? Tu me laisses tranquille, okay, s'il vous plaît. Vous vous chicaniez pour le temps de jeu, pas parce que, mettons, il voulait pas te faire une armure magique ou quelque chose. Non, il me chicanait parce que j'étais trop dessus. Ok. Fait que dans le fond, ce que tu peux dire, c'est que WoW s'est attaqué au madrier de ta relation. Ouais. Ok. Ouais. Vraiment. Moi, j'ai commencé à jouer le jeu premier. Ma femme a commencé à jouer après. Elle m'a toujours rappelé du jour. Elle me voit en train de jouer et elle dit « Hey, il y a une bébite morte, pourquoi qu'elle brille? » Ben, c'est parce qu'il y a des choses dessus. Il y a du loot. Elle a dit ça? Mais parce qu'elle jouait à Diablo avant. Nice, nice. Elle a commencé à jouer. Prochaine chose ici, elle est première à 60, première en train de raider. Moi, je suis encore à 43 en train de faire des Battlegrounds comme un gros noob perdu. Ben, 43 noob. Ben, malgré Castor, oui. 43 dans le temps. En 2005. Ouais, c'est ça, là. Dans le temps que t'avais une monture avec des brillants, puis... Mais elle a complètement surclassé dans le jeu, par exemple. Mais on a eu des belles chicanes de coupe aussi à cause du jeu, mais c'était plus à cause qu'il n'y a pas un raiding spot pour moi. Dans OK. Ben écoute, ça, c'est une belle chicane de coupe quand même, ça. Ben, quand t'es rendu que la seule affaire, c'est quoi, tu te chicanes, c'est une place dans ton raid. C'est parce que t'as réussi ton couple. Doit quand même bien aller, ouais. Là, on s'entend. Non, effectivement. Je chicane pas pour le ménage. Ou mais je suis quand même content, Mélanie, que t'aies pas recommencé WoW pour la simple et unique raison qu'il y a une croustade qui est en train de cuire dans le four d'Éric présentement. Oui, donc, non pas une tarte aux pommes, une croustade aux pommes. Excellent. Oui, effectivement. Donc, merci pour la croustade, puis Éric, ben, merci pour le four. Et pour le local qui nous entoure aujourd'hui. Merci avec à une ma bonne femme. Acoustique. Merci, merci femme. Merci à ta femme. Merci femme. Merci beaucoup. On va l'appeler Julie. Ben, merci beaucoup Julie femme pour l'hospitalité sans que tu ne sois là. Donc, mis à part Mists of Pandaria, Pandaria. Okay, Kung okay. Fu, Panda. Hommage à 100%. Ah oui. Ouais. Je suggère Alain Blakey qui aime les films de Kung Fu. C'est est-ce un que... rip-off de Kung Fu Panda carré, dans le fond. On s'entend, là, ah, le film. Ah non, non, mais attends, attends, il y a eu des débats enflammés sur les internets. C'est pas longtemps qu'il y avait prévu ça. Pandarian, ça fait bien plus longtemps que Kung Fu Panda que ça existe. Ouais, ouais, j'entends parler ça aussi. Tu parles aux c'est Kung Fu Panda qui est rip-off Panda. Ben oui, c'est une conspiration. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais aussi, on n'oublions pas que les pandas, c'est en Chine. Le Kung Fu, c'est en Chine. C'était juste naturel que ça se jume éventuellement. Ouais, ouais, ouais, même. Ouais, ouais. Puis qu'il y a des gold farmers, dans le fond. Les gold farmers, c'est en Chine. Plus en Corée. Le mois de mars. Non, ma petite joke de Gold Farmer en plus. C'est pour ceux qui ont, ben pour les trois autres qui nous écoutent, ça qui ont fait comme moi, qui ont joué à Final Fantasy Online dans le temps. Oh. La meilleure call de Gold Farmer, c'était How do I mine for fish? Ça là, c'était pour, ça avait pas de sens. Puis j'en avais un qui me suivait là. Je me rappelle là, pendant à peu près une demi-heure, à me demander comment qui faisait de l'exploitation minière de poissons. Ça là, c'était ça, wow, mind blown. Fait qu'il y a juste moi qui rire, fait qu'il y a juste moi qui joue à Final. Fait qu'on va arrêter ça là. Puis... Non, mais c'est parce que j'ai plein d'histoires de Gold Farmer dans WoW, mais on va se perdre pour une heure, puis on va arrêter ça. On est plus. Non, mais pour en venir à ça un peu, moi j'ai toujours été traumatisé par comment tu peux vendre un personnage, plus maintenant, là, mais là, mettons, 4 ans, des personnages que tu peux vendre 500$ pour ton est. Caractère sur eBay, man. Ah, mais d'un autre côté, le c'est temps mal que tu mental. Ouais, mais es-tu vraiment. Moi, je. Ouais, mais il est où le fun d'acheter? C'est ça! J'achète un. Ok, ça m'a coûté 800$, tu sais! C'est ça, là. Si j'ai un paladin, le level 80, là, je suis content de dire c'est moi qui l'ai rendu là. Si je la jette puis je suis juste, yeah, je suis fort. Tu sais, à place de payer 800$, prends une semaine de congé de job puis fais ton défense pendant une semaine pour le level up. Mettons pour quelqu'un comme moi qui a arrêté qu'un Warlock level 35. Qu'un Warrior level 15, puis une constatation que j'ai aucun don pour jouer à Warcraft, puis choisir une classe. Oh, wow. Si je connais bien l'histoire, l'évolution naturelle au hacked account, c'était bon après. Ouais, non, mais écoute, non, mais en fait, c'est même pas pour ça, puis tu sais, je me rends juste compte que tu veux t'acheter un personnage à ce niveau-là. Tu veux braguer, tu veux faire peut-être du endgame content, des choses comme ça. Puis je pense que, tu sais, moi, il y en avait, ils disaient, tu sais, moi, je veux faire de l'aréna, puis dans mon équipe, on a besoin d'un healer ou d'un tel affaire. Puis on a 800$ à dépenser, ce que je comprends pas encore. Mais écoute, c'est incroyable pareil. Là, c'est tout fait à l'envers. Là. Blizzard, ils ont figuré des manières où est-ce que tu peux recruter quelqu'un. Ça te donne un 80 gratuit. C'est ce que j'ai fait. Fait qu'il n'y a plus de sodomie, là. Non, c'est ce que j'ai fait. C'est ça, il y a une manière de le faire, là, où que tu pointes tout ça à 80 comme tu veux, de la classe que tu veux. OK. Puis si tu veux gamer ça, ça va coûter genre 40-50$. OK. Mais toi, je pense que t'avais un... Mais tu achètes un compte, tu le recrutes, puis... Oui, c'est ça. Moi, mais moi ma mère Amy, jamais, voulait genre jouer, là. Je vais moi, tout ça. Je suis bon, OK. Fait, je suis retournée, puis justement, j'avais un... Je pense que le plus où je me suis rendue, c'était 30, parce que moi, je procrastinais, je parlais, je chattais. Fait qu'elle m'a recrutée, puis je suis montée à la voix 80 direct, parce que j'étais comme, no way que je me monte ça de 40 à 80. J'ai pas le temps, j'ai pas le goût, fait que... Mais c'était gratuit, elle n'a pas eu à payer. C'est juste. Non, mais si t'as jamais joué, ça fait longtemps. Là, ton c'est ça, exactement. T'as un invite. Scroll Resurrection. Puis t'as jusqu'à Cataclysme. Ben, c'est comme le premier joint que ton pusher t'a donné. Il est toujours gratuit. Puis après ça, ben, il te donne des rushs. Puis c'est là qu'il commence à faire de l'argent avec toi. Là. Oui, j'ai toujours payé. Je tiens à l'avertir. J'ai jamais eu de joint gratuit. Je sais pas si c'est qui ce gars-là, mais. On veut l'inviter plus souvent. J'ai le droit sur le podcast. Fait que les actualités. Fait que dans le fond, wow. Excellent. Milter, t'as-tu de quoi que Mélanie, sinon? Ouais, j'ai juste dit que le mot sodomie, je l'ai gardé pour Remy Rebelle, qui a donné des noms à donner à tout le monde, sauf moi. Excuse-moi, le gros, mais je suis là, moi aussi. Donc, c'était ma note. Fait que dans le fond, c'est comme le name drop de la semaine de Mélanie. Mais c'est pas Remy qui s'imagine la mayonnaise d'en face, ou... Je sais pas, peut-être sur mes pieds, parce que ça parlait beaucoup de foot fétiche cette semaine. La mayonnaise... D'en face pis d'un pied, là. Branchez-vous, là. Parce que c'est deux histoires totalement... C'est spécial. Ça a du sens, quand même. Quand même. Mais moi, sinon, pour que mon actualité, J'étais en vacances, fait que j'ai joué à Borderlands, comme j'avais dit. J'aime bien ça. J'ai juste level 11 à date, mais en tout cas, ça... Ben écoute, level 11, ôtez-y le micro, quelqu'un. Tu sors de ça. Level 11, ben, comment? Ben okay, yeah, c'est pas beaucoup, mais ben non, c'est un début. J'ai juste joué deux jours. J'ai juste joué deux jours, fait que cette semaine, je vais prendre de l'avance là-dessus. Y a-tu beaucoup de sang pis de pisse dans ce jeu-là? non, juste du sang. Mais... Malheureusement. En tout cas, je suis juste level 11. Écoute, dans Double No Crime, il y en avait du sang et de la pisse. Hein, fait que... Tu peux être surpris. Mais sinon, je suis allé aux pommes. Il n'y a pas de Wi-Fi là-bas. C'est comme, je check mon téléphone, je prends des photos de mon enfant. Je suis pas capable de les mettre sur Facebook. Puis je comprends pas pourquoi il n'y a pas de Wi-Fi partout. On est en 2012, je veux du Wi-Fi, je veux du 3G, quelque chose. Puis là, t'as un first world problem, parce que tu reviens chez vous, tu vas uploader tes photos avec Instagram, mais tu te rends compte que ça tag la place où t'es, puis tu veux pas que ça dise c'est chez vous. Exactement. Parce que t'as pas de pommier, tu sais. Ça fit pas, tu sais, j'essaie de profiter de toutes les options d'une shot de Facebook, le check-in aux pommes, la photo qui va... Mais non, je peux pas parce qu'il y a pas de Wi-Fi, ce verger-là. Mais les pommes, là, à part leur donner de l'énergie... Puis faire de la croustade. C'est encore une activité. Il y a encore bien du monde là-bas. Là. Ouais, il y a plein d'Italiens. En tout cas, quand je te l'ai, c'était full d'Italiens. Je sais pas si c'était une bosse d'Italien ou de quoi. Ou c'est ethnique. Ouais, non, mais c'est cool, là. Mais moi, en tout cas, disons, je laisse les enfants grimper dans l'échelle plus à cette heure. Puis je prends ça relax, moi, à traîner les sacs de pommes. C'était juste le Wi-Fi. Je comprends juste plus. Moi, je suis stické sur le Wi-Fi. Moi, ce que je catch pas, c'est que tu dis je prends ça relax, traîner le sac de pommes. La dernière fois, je suis allé aux pommes, là, le sac, il était moindrement relax. Ça pèse à peu près 30 livres. Ouais, puis... ouais mais quand t'es habitué d'avoir des enfants dans les bras, partout, ouais, j'avoue. Le sac de pommes, c'est. Fait que m'a retourné pousser de la fonte, finalement. Ouais. Puis sinon. Ça grouille moins, en tout cas. Bon, non, c'est sûr, le pomme. Sac de pommes, ça bouge pas. Mais c'est ça. C'est quoi, donc sinon, là, j'ai vu un film. Ok, ouais. Puis c'est The Muppets. Oh, le nouveau? Ouais. Cool. Oh. C'est weird puis bon en même temps, dans le sens que je pense que ça fait 3 mois et plus qu'il est sorti. Plus que ça, je pense, parce que... De toute façon, tout le monde s'en fout. Là, il n'y a pas, pas personne qui va perdre son stérilet. Là. C'est ça. Puis le film, on peut quasiment considérer ça un remake. Parce que il y a plein de chansons dans le film qui sont des chansons du film de 1979 que j'avais vu quand j'étais petit. Fait que je me sentais un petit peu floué par ça. Mais gars, encore, c'est de Muppets, who cares, là. Mais je m'attendais à peut-être plus que ça pour mes enfants quand je l'ai écouté. J'ai trouvé ça weird, une affaire. Puis c'est un punch, là, je vous le dis tout de suite, là, quelque part, là. Spoiler. C'est un petit spoiler. La nouvelle Muppet principale dans le film, là, suit son histoire, elle s'en va au théâtre des Muppets, puis elle se fait joiner à la gang originale des Muppets, puis il dit, tu vas faire un numéro à la fin, ça va être pour toi. Puis là, tout le long, c'est comme le build-up à savoir c'est quoi son talent incroyable à lui, ou de quoi, puis tu t'attends à ce que ça soit incroyable en tout cas, parce que il est là, puis il y a un gros build-up là-dessus, tout le monde fait la petite affaire, Gonzo fait des cascades, Kermit joue du banjo. Ah ouais, la grosse affaire. Lui, il arrive, là. Là, c'est son gros moment. Tu t'attends à ce que ça éclate de festivité. Lady Gaga, Nicki Minaj qui sort du background, ah, puis qui rappe, puis qui font des affaires. Mais non, c'est quoi qu'il fait? Il siffle. Puis lui, il fait juste siffler. C'est ça, son talent. Comme Cancer Boy dans Kids in the Hall? Oh genre. Mais je pense qu'il est un petit peu meilleur. Mais même là, tu t'en fous, tu ben, je regardais ça, là, puis j'attendais là, que ça éclate de spectacle de musical, des Muppets. Non, il siffle. Même mon gars de 2 ans et demi était déçu, là, on regardait mais ça. Mais la vraie question, là, est-ce que ce film des Muppets-là est encore en train de sauver la carrière de Brendan Fraser, ou... Il est pas dedans. Oh, il est pas dedans. C'est pas le gars. T'es en 2006, là. Ah, ok, excusez. Non, c'est l'autre film des Muppets. Ok, ok, ok. C'est le nouveau, là, c'est un autre gars qui est dedans. Il y a Jack Black dedans pour une raison. Jason Segel. How I Met Your Mother. C'est un gars-là, là. How I Met Your Mother. Ouais. Point PH. Ok, wow, mais ouais, frisé un peu, là, genre. Ouais. C'est top. Il y a Amy Adams aussi, ou l'autre. Ouais. Je me souviens juste de Jack Black, sérieux, puis j'étais comme, Colin, il a besoin d'argent s'il est rendu là-dedans. Puis, ou il trippait vraiment trop quand il était jeune. Le caméo de Marco Cagliari, il est... Ça, c'est dans un autre film, ça. Ah, ok, ok. Ben, écoute, c'est intéressant que tu nous parles des Muppets, parce que cette semaine, ben, c'est ça, c'est un remake. Puis, le sujet principal... Non, c'est pas un remake. Ben, c'est une suite. C'est une suite. Non, mais effectivement. C'est pas un remake. C'est juste qu'ils ont pris des, ils ont pris des tunes de 1979, puis ils rechantent, puis c'est pas un remake, mais on peut dire que tous les films des Muppets, c'est la même affaire. Fait que c'est juste mauvais. Je dirais pas un remake, mais en tout cas. Ben, dans le fond, c'est justement ce qu'on va essayer de démystifier. C'est que... qu'est-ce qui est un remake? Pourquoi des remakes? Est-ce qu'Hollywood a perdu leur peu d'imagination qu'il y avait déjà? Est-ce que le fait d'avoir juste des graphiques générés par ordinateur est en train de tuer certains scénarios? On a vu ces temps-ci, on a eu Total Recall qui a ouvert le bail avec Colin Farrell. On a vu sur le collectif, justement, la controverse RoboCop qu'on va appeler. Mais il y a remake et reboot. Effectivement. Faut faire la différence. Puis je pense qu'on devrait le statuer immédiatement. Ouais, c'est ouais. Qu'un remake, c'est la même histoire, mais refaite. Le même film. Le même film, c'est ça. Un des meilleurs remakes, d'après moi, Dawn of the Dead. L'original était très bien. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Le remake... ça, c'est celle dans le centre d'achat pour le monde qui se demande tout le temps c'est quel. Puis il y a Mackay Pfeiffer dans le remake aussi, là, le dude qui joue dans 8 Mile avec Eminem. Ok, je pensais que tu parlais de Je me croise puis je me décroise les jambes, Pfeiffer. Non, pas. Ça, c'est Kim. Sharon Stone. Ouais. Hey, je me trompe, pas Kim Basinger ou ouais. Pfeiffer. Il y en a un qui va me ramasser sur la page, c'est sûr et certain. On va le faire de suite. Bon, c'est correct. Vous l'épargnez. Non, mais c'est. Donc, ça, un remake, c'est le même film refait. On parle de Dawn of the Dead, comme tu dis, on parle de Fright même Night, histoire, ouais. Vampire, vous avez dit Vampire, j'ai jamais catché où le titre est arrivé en français. Là. Le film poche avec Colin Farrell aussi qui a été fait. Là, Lequel? Fright Night. C'est ça. J'ai trouvé ça bon, moi. Le remake, j'ai trouvé correct. Fait que lancez-moi des pierres et jugez-moi. Je l'ai même pas vu encore. Moi aussi, j'ai pas vu l'original. Ah ouais. J'ai vu le vieux. J'ai vu plusieurs fois le vieux quand j'étais jeune. Un des premiers films d'horreur que moi aussi, je regardais souvent, si on peut dire. Puis si on parle de reboot, c'est quoi un reboot? Total Recall, je pense que c'est techniquement un reboot. Total Recall, ça, je suis d'accord. Non, Tron, c'est une suite. Ah, c'est une suite, ouais. Mais j'avoue. C'est un reboot. Ouais, c'est un reboot. Le RoboCop qui s'en vient, c'est un reboot. Ouais. C'est un reboot aussi. Spider-Man, le nouveau Amazing Spider-Man. Mais qu'est-ce qui va faire un reboot? Pas juste pour que le monde nous suive. Ouais, mais c'est ça. Peut-être, nouveau écrivain. Mais moi, je pense que c'est s'ils refont l'histoire. La mythologie reste pareille. Mettons, Spider-Man. Il y a encore des pouvoirs d'araignée, il y a encore un suit, c'est encore Peter Parker, mais... il y a des affaires différentes qui arrivent. Ok, mais regarde, on peut aller plus loin. Total Recall, ça, on pourrait aller commencer à faire ça une réadaptation d'abord. Ben, réadaptation, je pense, ça serait le terme français. Puis c'est ironique que tu nous le sortes. Réadaptation, parce que, reboot. Des bons termes français, mais... D'habitude, tu nous ponds le bon vieux franglais. Mais c'est cool, écoute, mais t'as totalement raison. C'est réadaptation. Puis je pense que Total Recall, c'en est un. Ouais. Réadaptation, reboot. Et remake une refonte. Une refonte? C'est on va appeler ça un remake. Un remake. Une nouvelle adaptation. Reboot. Ouais. Réadaptation, nouvelle adaptation. Nouvelle adaptation. C'est parce que Total Recall, il y a un livre, il y a le film de Schwarzenegger, puis il y a le dernier film. Mais le dernier film, il est vraiment basé sur le livre, je pense, non? Non, moi, non. Parce que celle d'Arnold, il paraît qu'il n'y a aucun rapport. Non, parce que celle d'Arnold, il respecte un peu le rêve. Tandis que le nouveau respecte un peu le livre. Ouais. Mais c'est parce que dans le livre, le rêve de Mars est très intense. Mais il va jamais à Mars. Ah. Okay. Tandis que dans le nouveau, il va voir Mars pantoute. Ok, je l'ai pas vu, merci. Mais j'ai aimé la direction artistique du nouveau, par exemple. Désolé, tout le monde là-dessus. Alors, moi, je pense qu'il y avait pas trois mois. Un spoiler, ça fait trois mois. J'ai pas de spoiler. Ben, il y a un spoiler que j'ai aucune à parler. À part de dire qu'il est pas sur Mars, il y a d'autres histoires, il y a d'autres twists qui sont cool. Là, moi, mais... j'avais déjà entendu dire déjà partout. C'est comme un gros spoiler dans un sens, dès que le film est sorti, il va pas sur Mars, puis ok. Ben, c'est comme le nouveau Spider-Man, il me semble que le nouveau il est basé sur la BD, comparativement du premier qui est pas basé sur la BD même. C'est Ultimate, je pense que c'est un timeline. Parce que même, t'apportes un bon point, là, juste un BD, là. Le New 52, le Ultimate, le Original, non, mais il y a à peu près 48 versions de chaque Spider-Man. C'est comme si c'est comme Batman, tu sais. Les Batman in the plane, c'est les Spider-Man in the plane. Ben, c'est là que c'est tough. Les films de Hulk. Il y en a deux là, déjà, des Hulk seuls. Ben, c'est des remakes, c'est des reboots, je veux dire, parce que le premier il était là, après il y a eu l'autre avec Edward Norton. C'est... Ouais, mais ça c'est du drame de Hollywood aussi. Ouais, là. Non, c'est ça, mais ces drames-là forcent à faire des genres de reboots par des producteurs qui veulent d'une façon quelconque, comme les Spider-Man. Moi j'avais entendu dire que Sam Raimi était écœuré bien raide. Mais je pense que ça paraissait aussi que Sam Raimi était écœuré dans le dernier. Là. On s'entend que le troisième. Force-feeder plein de mais stuff, oui. Il ne rien savoir de. Ça aurait dû être deux films séparés, parce que là, ils ont cramé, ils ont enfoncé tellement plein d'affaires dans ce film-là. Ça avait pas de sens. Puis je pense que je suis un des seuls. En tout cas, ça fait plus que trois mois, on peut le spoiler, mais tu sais, à la fin, là, quand l'homme des sables, il s'en va, puis c'est tout sentimental. Mm-hmm. Puis. Je pense que je suis le seul cave qui riait dans la salle, mais bien fort. Là. Puis le monde me regardait comme si, mais voyons, t'es donc bien insensible, pauvre homme des sables. Puis... Non. Regarde, la seule autre fois que j'ai ri de même, c'est pendant la machine à voyager dans le temps, quand au début, le char arrête pas de tomber sur la femme du gars. Non, mais on s'entend, eux autres, là, hey, ils startent le film comme ça. T'as des moments au cinéma là où je catch même pas comment ils font essayer de faire un appel à l'émotion comme ça. Hey, le char tombe dessus. On parle d'un char pour les gens qui ont pas vu la machine à voyager dans le temps. Tu sais, les vieilles voitures qui marchent quasiment au charbon avec des roues en bois d'à peu près 2 mètres de haut. Là. On va vous mettre une photo sur le blog. Là. Mais une voiture comme ça, là, qui pour aucune raison, tombe sur le côté. Sur la pauvre fille. Puis là, le monde dans la salle, il me regarde comme si j'étais le pire enfoiré ever. Parce que j'étais en train de rire. Vraiment, je ris fort, là. Fait que Sam Raimi, il a droppé à balle avec le troisième Spider-Man, selon moi. Non, mais moi, j'ai bien des opinions sur le 3. Ah ouais? J'ai bien des opinions sur les 3. OK, go. Parce que le 2, je le trouve incroyable. Le 2 était très bon. Ouais. Très bon. Le 3, tu vois des jouets qui sont forcés dans le jeu. Tu vois Venom has to be in here. On le met là-dedans. Ouais, ils l'ont mal mis dedans. Ils l'ont vraiment mal mis. Ouais. C'est pour ça qu'à chaque temps en temps, t'as des belles séquences qui sont le fun, hors de l'histoire. Puis après ça, t'as une bataille avec Venom qui sort de nulle part, puis t'as Peter qui pète sa coche puis qui fait son emo. Ouais. Puis après ça, t'as la scène du Sandman qui a aucunement été bien buildée parce qu'il y avait plein de force feed, de cochonneries dans tout le reste du film. Aussi, là, je peux dire, juste de même, le gars qui joue Venom, là, Eddie Brock, là, c'est le gars de That 70's Show, là. Ah, c'est vrai. Mais dans les BD, là, Eddie Brock, là, il a de l'air d'un joueur de football, photographe, c'est vrai, hein? Freelancer, genre là, comme Peter Parker, mais gros pis planté. Là. Cotes, là, planté. Mais... Ouais, non, c'était laid, ça. Il est pas mal gros. Là, tu vois, je me suis. C'est quoi Topher Grace? Topher Grace. Comment? Topher? C'est quoi ce nom, là? Topher. En tout cas, on va pas le pire, juger. Là, c'est que la première fois que j'ai vu le Spider-Man 1, je pensais que c'était lui. Ouais, ben, il se ressemble en plus déjà que les deux acteurs se ressemblent quand même pas mal. Ils ont la même shape, mais comment Topher Grace, il n'y a pas la shape d'Eddie Brock dans les BD, mais là. Avoue que tout le long, tu t'attendais que son père vienne crier après. Moi, j'attendais Red Foreman, je me suis dit, ils mettent un caméo de Red Foreman, là. Ça vient de valoir le... Attends, c'était quoi, c'était 9 et quelques dans le temps de cinéma? Ça valait son pesant d'or. C'est où tu vas? Moi, ça coûte pas ça. OK, non, moi, je... Non, mais hey, on parle de Spider-Man 3, là. Parce qu'à cette heure, aller au cinéma maintenant, c'est un investissement. Ouais. Surtout toi qui as des enfants, tu sais, regarde. Hey. On parle de 13$, le popcorn, la cible de ça. Loyer, aller au cinéma. Mais c'est ça. Ouais, mais écoute, ça vaut le divertissement. Oh. Ah, hey, tu vas l'été au cinépark, puis tu donnes une bonne shot. Mais moi, je suis plus genre, à cette heure, j'attends que les films soient sur super écran, sur demande. C'est pour ça que je suis un peu en retard, mais avec des enfants. Ah non, c'est pas le choix. Ça coûte bien moins cher écouter mes films de même. Fait que toi, la semaine passée, t'as vraiment trippé avec Rise of the Planet of the Apes, dans le fond. Si je l'ai vu il y a genre un mois, à peu près, puis ma blonde déteste les singes, c'est incroyable. Elle veut même pas avoir un t-shirt avec un singe. Fait que j'ai été obligé de l'écouter tout seul avec mon gars. C'est essayé au moins? Non, elle veut rien savoir. Pour vrai, mais il était bon, c'était fini. Tu montres un singe, même si le singe est en CGI, elle déteste ça, mais c'est ce qu'elle. Elle n'est pas capable, des singes à l'aise. Il n'y a pas un vrai singe dans ce film-là. C'est vraiment bien fait en plus. Quand j'y sors l'argument, elle dit ben justement, je les ai encore plus parce que ce n'est pas des vrais singes. Écoute, c'est pas Kongo quand même. Non, c'est pas le singe qui faisait du LSQ, non? Non, c'est des gorilles qui protègent. Ouais, non, c'est vrai. Ils c'est un gorille. Des gorilles qui ils protègent de quoi dans un temple, me semble? Puis, Il y a un temple, puis il y a des singes, des gorilles qui ont été entraînés pour défendre le temple. Ben, tu vois, ça donne un volcan quelque chose. Attends un peu, là. Ils ont entraîné des gorilles pour défendre un temple. On s'entend-tu? T'es entraîné même pas. T'es Chris, là, les gorilles. Non, mais ils sont rendus blancs. sont du viril et méchant. Et Nevlecky qui vient proche de l'or, il est tue. Donne les skills de Sam Fisher, un gorille, genre, pis ça donne. Le monde est pas prêt pour un gorille. Ce qui était drôle de Congo, Congo c'était le deuxième film de Michael Crichton mis au cinéma après Jurassic Park. Fait que quand Congo sort, tout le monde était comme « Oh, c'est l'écrivain de Jurassic Park ». Puis la première affaire que les gars ils disaient, je m'en rappelle en écoutant sur Entertainment Tonight, sur Jurassic Park, il y a 72 scènes de CG. Dans le note, il y en a 163. Wow. Comment vendre un film? Puis j'étais tellement déçu. Dans ce film-là, tu vois clairement des gars en costume de gorille à certaines places. Ah oh, ouais, ça c'était juste. J'ai écouté dernièrement, là. Ben pas dernièrement, mais il y a quelques mois. Là. Puis en tout cas. Mais je pense que, tu sais, le CG commence à prendre beaucoup de place dans le cinéma, puis dans les films. Sauf que je pense que c'est peut-être une des raisons pourquoi les gens vont pas détester, mais les gens sont très amers face au remake. On prend juste Robocop, justement, qui ont mentionné, puis ils ont donné des photos. Pour mettre en situation les gens, c'est que les premières photos du nouveau costume de Robocop ont fait surface. Ils ont bel et bien mentionné dans tous les articles que le costume avait une couleur un peu neutre. Il était comme un gris charcoal parce qu'il était pour être rehaussé en CGI. Donc, il était pour remettre des graphiques par-dessus. Malgré tout ça, on dirait les gens le détestent. Puis on s'entend-tu, là? OK, garde, ça ressemble à Iron Man un peu, mais c'est actualisé, là. On s'entend-tu, Eric, t'avais apporté un point qui m'avait tellement fait rire. Avec ton « ça, c'est Robocop », puis t'avais mis la photo de Robocop 3... quand il vole avec son jetpack. Il ressemble quasiment au Rocketeer, juste pas d'aileron sur son casque. Je pense que les gens commencent à être un peu amers face au remake parce que... Ils sont trop attachés à leur souvenir. Ils ont peur de se faire scraper leur jeunesse, le souvenir de jeunesse. Tu sais, c'est... Mais je comprends ça, mais est-ce qu'on a peur à un point tel qu'on laisse plus à la chance? Je pense qu'on a plus peur qu'ils mettent des lasers dans notre brain qui enlèvent les mémoires. Ouais, ouais. Mmh. Pourtant, moi, je les ai achetés mes DVD de Ninja Turtle, puis ils peuvent les refaire 15 fois. Je vais pouvoir écouter mes DVD pareil, puis j'en aurai pas de problème. Juste parenthèse, Star Wars aussi, là. No! Ouais. Puis le oh, tapper, tapper, tapper, tapper, tapper, tapper, tapper, tapper. Tapper! Ça, là, par contre, là. C'est la même affaire, non? Ben, oui, puis non. Parce que c'est pas vraiment un remake. C'est mon VHS que j'ai encore, il l'a pas touché encore, Lucas. Justement, ben, ce VHS-là, là, mêlé d'un safe hermétique. Parce que Lucas va venir te le brûler ou te le voler. Hey, ça n'a pas de sens. Combien? Non, mais moi, il y a une affaire qui me purge. Puis c'est même pas l'aspect... Chenard, je pense. Ben oui, mais je pense que c'est plus l'aspect monétaire. En tant que bon consommateur puis fan de Star Wars, je pense qu'il n'y a pas aucun film dans la vie qui m'a donné l'impression de m'avoir fait fourrer autant que d'acheter Star Wars. Tu sors du magasin, t'as ta copie dans tes mains... puis t'apprends tout de suite, ouais, mais le mois prochain, il sort la version 3D que 35 scènes de plus... Ben là, je viens de payer 100$. Oh, on parle de quel film? On Star Wars. Dans quelle année que t'as acheté Star Wars? Hey, Star Wars, moi j'ai acheté, là, j'ai encore ma trilogie originale dans la boîte widescreen, là, THX, là, qui était sortie, oh, là, c'était comme oui. Gris, là, pis ça, c'était comme le Golden Years de Star Wars pour moi, là. C'est là, après ça, parce que ça, c'était far after Star Wars, c'était 20 ans après. Ouais, 20 ans après, mais c'était le même film rehaussé en THX. C'était la seule affaire qu'il avait fait dessus. La boîte silver puis la boîte gold. C'est moi, ça. J'ai les deux, j'ai la silver chez nous. Fait que toi, t'as acheté le full screen puis le widescreen, tu t'es dit, non, je prends pas de chance. Non, j'ai pas les deux là-dessus, j'ai le gris, là, le silver, okay, ouais, dans le fond. Puis ceux qui me connaissent personnellement, c'est que j'avais cette boîte-là dans mon appart en grandeur 6 pieds de haut par 4 pieds de large quand j'étais en appartement. Mes amis venaient, là, j'avais pris ça quand je travaillais dans les magasins. C'était incroyable, là, c'était dans mon salon. Ça dis-moi, la place, dis-moi que t'as vendu ça. J'ai donné à un de mes amis qui est un très fan fini de Star Wars. Je te dirais qu'il y a une murale Star Wars tatouée dans le dos. Shout out à Didier. Nice. C'est incroyable, là. J'ai donné ça. Puis, Didier, si tu nous entends... Pis t'as encore la boîte. Je pense qu'il a fait une bibliothèque avec. Hein, ça serait carrément d'avoir une photo. Et rendu où cette boîte-là aujourd'hui? Ouais. T'sais, est-ce que tu rendu un lit pour ses enfants? J'ai vraiment l'impression que c'est un coffret DVD, genre, mais 6 pieds de haut par 4 pieds de large. Fait que je pourrais me coucher dedans, là. Ah ouais, si tu le couches sur le côté, tu pourrais dormir dedans. Tu peux te cacher dedans. En tout cas, c'est un gros cut-out de carton. Je l'avais acheté, puis j'ai gardé ça. Ben, regarde, c'est malade, ouais. C'est malade. Là, je pense, qu'est-ce qu'il faudrait statuer? Parce que Robocop, ça va être correct, on lui donne une chance. Ben oui, il y a ça aussi. Mais ben ça, en passant, c'est qui le méchant maintenant? Je pense au début, c'était Hugh Laurie, c'est devenu Michael Keaton. Mais c'est un reboot. C'est Michael Keaton. C'est Michael Keaton. Méchant, je pense, à date. C'est Michael Keaton. Ouais. Si c'est lui, vu que c'est un reboot, c'est lui qui va comme gonner à main de Robocop quand il n'est pas Robocop, là, Murphy. Là, il n'y a pas de l'acide là-dedans maintenant? Non, mais ça, c'est le... Ah, oui, oui. Ah ouais, oui. Mais tu sais, c'est pas dans l'acide. Ça fait longtemps. Il shotgun à main. Il s'est éclaté par la manette. Ouais. J'ai des bons souvenirs par exemple de l'émission télévisée qu'il y avait eu de Robocop. Des voilà où est-ce qu'on la est allé rendu dans Robocop. Ouais, c'est ça Robocop. Des bons souvenirs. La franchise sont pas ouais, c'est ça. T'as quel genre de souvenir de l'émission télévisée de Robocop, Mélanie? Je me souviens un moment donné, j'avais fait l'émission, il y avait comme une arme qui était sortie pour tuer Robocop, je sais pas trop quoi. Puis, est-ce que ça va être vraiment vague mon souvenir? Là? Mais quand il tirait sur le monde, ça donnait des crises cardiaques. Ça marche. Moi, je pense que c'est très écoute, orgasmo là, ou un orgasmo raider, je vois pas pourquoi ça existe. Je sais pas, c'est quoi, ouais, c'est ça. Je me souviens de ça, puis c'est ça, vrai. Mais c'est un des seuls souvenirs que j'ai de ça. Puis de la femme virus, là, pas virus, là, mais c'était un hologramme, puis à un moment donné, en tout cas, ça s'est infecté avec un virus parce que le gars, il est allé rentrer de... Vous savez que je parlais de la femme dans la série, là? La fille, c'est... Un hologramme, c'est un computer, là. La policière, où tu parles? Non, c'est un hologramme dans la... OK, c'est celui de la série? Ben toi tu parles du mainframe plus ou moins là de Detroit Police. C'est ça, puis mais elle est en forme de femme. La grosse chaise de Robocop allait se recharger là, tu c'est penses. Ça. Je pense que c'est pas loin de ça, il y avait un hologramme qui apparaissait à côté là. Je pense que Eric vient dire pis tu je m'en vais avec ça là, mais tu viens-tu vraiment dire Detroit Police Academy? Alors mais on s'entend-tu que s'il y a un crossover qu'on veut que ça arrive là, Robocop pis Police Academy. Ouais, c'est ça. Tu sais, Scrap Hightower, tu nous mets un Robocop black pis on est en business. Non, c'est des bruits genre avec sa bouche Robocop. Ah, c'était Jones ça. Steve Guttenberg avec le nouveau Robocop, le vieux Robocop même, ah. Qui joue comme le sergent. Puis il s'entraîne pour The New Kid, Robocop, I Am Robocop. Mais c'était pas le gars qui jouait à Robocop, parce que ça coche, c'est Robocop, ça. C'est mais il y avait la série, c'est aussi cette tune-là. Il y avait un cartoon aussi de Robocop. C'est vague. Ah non, non. Robocop, là, je me rappelle, j'étais jeune. J'avais un hélicoptère, qui avait pas dans les films, mais qui avait un hélicoptère Robocop. Il y avait un char Robocop qui ressemblait pas pantoute. Il y avait, regarde, Robocop, là... Il était à la mode. Mais ouais. C'est ça l'affaire que je disais aussi un peu quand les gens ils capotent sur le nouveau Robocop, comment est-ce qu'on doit protéger, puis le point de le Robocop qui vole. Oh, mais c'est ça, là. C'est qu'il avait, trashé la série déjà. Ah, mais c'était, le pays, c'était pas qu'il volait. Le pays, c'était pas qu'il volait. Moi, c'est quand il se bat contre le genre de Cyborg Ninja Katana Power que Robocop était très mobile. C'est dramatique du Robocop 3, ça. Puis Robocop, tu sens. C'est du calibre de No Country for Old Men. Tu sais que l'autre, il se sent vraiment dépassé par les moments. Tu sais, t'as Robocop qui se bat contre le gars. Hey, attends, il peut plier son bras dans une autre direction, lui? Wow! Hey, Robocop était... Mais Robocop va sortir un gun de sa jambe. Ouais, mais Robocop, c'était un vrai humain au départ, dans un sens, là. Fait que je pense que c'est pour ça l'affaire. C'est quoi son prénom? C'est comme lui, il est trop humain. Alex Murphy. Alex Murphy, ouais. C'est ça. Alex Murphy. Mais vous, Murphy. En passant, Murphy. C'est le gars qui fait la voix du Batman dans... The Dark Knight Returns, le dessin animé. Ah oui. C'est le gars qui faisait Alex Murphy qui fait sa voix. C'est aussi le gars qui jouait dans Buckaroo Banzai, je me souviens bien. Là, tu vois dans des en passant, effectivement, grand classique, vous avez pas écouté Buckaroo Banzai aujourd'hui. Oh, wow. C'est quoi, c'était Across the Eight Dimension, je pense? Man, c'était ça, là, c'était écœurant comme ça. Honnêtement, là, vous prenez IMDb présentement. Buckaroo Banzai. Le gars est un... Physicien. Rockstar, physicien, chirurgien, neurologue, whatever. C'est ça a pas de sens. C'était ça, c'est tellement joué bon. Par le gars qui fait Murphy, ça. Oh c'était ouais. Hey, mais là-dedans t'as Jeff Goldblum. Puis y avait pas un rocker qui jouait là-dedans aussi là. Oh my god. C'était quoi ça? Moi j'ai vu ça quand j'étais kid. Il faisait Pretty Mike. Oh my god, j'ai réécouté ça. Ça fait 2-3 ans là, que je l'écoute une fois par année. Là, et c'est quoi? Excellent comme non, film, bon, tellement que c'est pourri. Je check ça, j'aime ça les films pourris. Ah, regarde, tu vas capoter. Honnêtement, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben écoutez, on va vous mettre le trailer sur le blog. Vous allez pouvoir aller jubiler autant que vous voulez. Il avait vraiment proclamé comme un de ses films préférés. Mais c'est parce que c'est le début de l'absurde. Pis c'est tellement bon. Ben, là. Le point que j'avais entendu de Buckaroo Banzai qui était écœurant, c'était que c'était le genre de film où ce que il te lançait direct dans le monde, puis il disait fuck off, figurez le reste. Oh, mais regarde, écoute, faut que tu te fasses ta propre histoire avec Buckaroo Banzai. C'est tout simple que ça. C'est du original à son meilleur. On va checker ça. Là, ça serait quoi selon vous? T'sais, on vient de voir, là, ils vont faire un autre remake de Ninja Turtles. Je pense qu'il a commencé en fin de semaine. Ça, c'est un reboot. Ouais, un reboot de cartoon, c'est ça. Selon les cartoons, vous... mais ça fait un bout qu'ils ont fait un remake. Ah, ils en ont fait reboot, à peu près 15. Moi, c'est ça. Là, ils en font un autre encore. Mm. Est-ce qu'on peut faire un petit avis tout de suite? Là, André tient celle-là à cœur, fait qu'on va pas le pousser trop loin. Ah, Ninja Turtle. Moi, tant qu'ils viennent pas d'une autre planète. Là. Ah. Ah. C'est parce que tu peux faire ce que tu veux, mais tu scrapes pas en mythologie. Non, c'est ça. C'est du ooze, man. Ça faisait n'importe quoi. Ouais, ça. Ben, c'est TGRI. Mais le ooze, il était bizarre. Avec les gros pissenlits, là. Puis... Non, mais le ooze, c'était comme du ooze. C'était l'époque du nuclear waste. Ouais, mais là, tout, puis... tout, dans ce temps-là, tu pouvais tout mettre sur le dos du ooze. Mais moi, que je parle, c'est. Ghostbusters, ils l'ont mis sur le dos du ouze. Ouais. Mais comment ça marche? Le dernier animal t'a touché. Si t'en as pas touché, tu t'es lavé dernièrement, t'as pas. Tu sais, c'est quoi? Ben, c'était comme le concept du gars à Comic-Con, j'avais vu. C'était quoi leur nom? Je vais essayer de retrouver le lien. Ils font une série animée sur le web. C'est un singe qui s'est fait mordre par un humain radioactif. Oui, j'avais vu les gars. Fait que le singe a gagné tous les pouvoirs d'un humain normal. Donc absolument rien. Absolument rien quand tu y penses. Fait que dans le fond, le singe, il fait juste écouter la TV avec son partner puis toute la kit. Fait que tu sais, dans le fond, c'est un peu n'importe quoi quand tu y penses. Ouais. Le dernier animal que t'as touché, ben, telle chose. Ben c'est ça que ça peut être popé pour ça, là, dans un sens. C'est n'importe quoi qui peut aller n'importe où avec ça. Fait que, ah non, c'est sûr, ça a l'air intéressant. Je trouve pareil leur affaire. J'ai juste vu bien vite, mais c'est toi quand tu m'en as parlé après en sortant du Comic-Con un peu que j'étais comme non, mais le gars il m'a eu avec la tagline, il me dit écoute, c'est un show à propos de rien. J'ai dit fait comme Seinfeld. Il m'a dit c'est un show à propos de rien comme Seinfeld. Comme fait qu'on s'entend que c'est la première affaire que je suis allé regarder chez nous sur le net. T'es allé voir ou je suis pas allé, moi. Ah, c'est vraiment cool, pareil. Je vais essayer de retrouver le lien. Eux autres, ce qu'ils m'ont vendu en plus, c'est je passe dans rangée, puis ils font des statuettes de leur singe. Puis moi, c'est même pas ça, j'ai remarqué. Ils ont fait deux statuettes de Battletoads. T'avais Zit pis Rash, je pense. Ou Pimple, ou en tout cas, il y avait des noms horribles. C'est pas ça les trois, me semble, justement. Ouais, c'est ça, Zit, Rash, Pimple, pis... Il n'y a rien que trois. Eux autres, c'est une annonce avec les racines. Pis Double Dragon là-dedans, non? Ça, c'est... Ouais, c'est ça. Ça, c'était Battletoads versus Double Dragon. Pendant que tu parles de Double Dragon, un remake, un film basé sur un jeu vidéo... Ça compte-tu comme un remake? Toi, tu veux parler du film de Double Dragon? Ben, hein? j'ai pensé ouais, ben, tu à ça. Tu parles des années 90 puis les remakes des films de jeux vidéo. Ben, pour toutes les années, dans un sens, ça peut-tu être considéré un remake quand tu te bases sur un jeu vidéo, genre c'est un film, remake du jeu? Ou... Écoute, avant de me prononcer là-dessus, je veux juste semer le doute, là, mais il y avait un méchant dans Double Dragon, the movie, là. Ouais. Il ressemblait à Choco dans Goonies, man. C'était Abobo, ouais. C'est ça, c'était Abobo. Tu sais, il ressemblait vraiment. Là. Soit ça ou bien il ressemblait. Je sais pas si vous avez vu le film avec John Candy où il était perdu. C'était avec Chevy Chase, Demi Moore, John Candy. Puis. Tu parles de film avec l'avocat, là, comme dans un junkyard. Là. Ils sont dans un junkyard. Les deux gars, ils ressemblaient à Choco aussi. Je sais exactement quel film tu parles, mais j'ai la pochette du DVD dans la tête. Là. Mais j'ai un blanc du nom. Oh my god! Mais ça, c'est génial. Oui, Dan Aykroyd qui fait le jeu. Il a un nez en forme de. Il joue genre quatre personnages dans le film Dan Aykroyd. C'était son datit. Puis, savez-vous pourquoi je voulais plugger ce film-là? C'est parce que la dernière fois, on a parlé au dernier épisode d'un groupe de rap avec Tupac qui performe dans ce film-là. Tu sais, Two Live Crew, tu sais? Ouais, Two Live Crew, ça c'est. C'est pas Two Live Crew, mais faut qu'on. Digital Underground. Ouais, avec le gars avec le nez bizarre. J'ai noté que j'ai une excellente croustade aux pommes, faites par mail. Effectivement, merci Mel, qui est en train de nous faire le service de la croustade aux pommes. Qu'on va s'amuser. Camille Tour a pas pu, il a pas été aux pommes. Non, j'en mangerai pas tout de suite en tout cas. Non, ok. Bon, mais écoute, moi je vais y goûter. Puis je vais vous saper ça dans le micro. Moi aussi, pendant que je peux parler, pendant que tout le monde a la bouche pleine, je me demandais, remake aussi, des films de cartoon, comme Scooby-Doo, Transformers, G.I. Joe, même de Flintstones. C'est pas une génération, ça? Mais je pense que Flintstones, c'était le fun, ça, par exemple. Comment? Ouais, mais c'est-tu des remakes? Non, c'est des remakes. Le 1 ou le 2, Viva Las Vegas. Attends. De 1, j'ai vu le gros hype du 1. Avec John Goodman. C'était la grosse affaire. Avec McDo, dans ma première job. J'ai goûté mon premier McRib. C'était un été incroyable pour Attends, le McRib est sorti à cause des Flintstones. Ouais, je sais pas si c'était à cause de Flintstones, mais je sais qu'il y avait le Brown de Swiss. C'est à cause de ça, je me souviens. Il y avait un marketing deal. Parce que je me demandais qu'est-ce qui venait en premier, la poule ou le McRib. Ah non, mais c'était Flintstones avec John Goodman. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que c'était le temps aussi où t'avais les dinosaures de Jurassic Park. Fait, j'avais très hâte pour ça. Ouais. Là, on va au deuxième Viva Las Vegas que tout le monde déteste, d'accord. Mais il était quand même le fun. C'était pas un des derniers films de Rick Moranis, ça? Après ça, on l'a pas entendu. Le premier Flintstone, ouais, il jouait Barney. Ouais, on premier. Parle de Rick, maître des clés, Moranis. Honey, I Shrunk the Kids. Honey, I Shrunk the Kids. Comment, le maître des clés, guys? Le maître des clés, de Ghostbusters. Mais il y en a eu comme 18, là, Honey, I Shrunk de quelque chose. Mais il y en a eu un avec Rick Moranis. Ouais, ben, et le porn de Honey, I Shrunk. Blue Up the Wife, quelque chose comme ça. Il est quoi? I Blew Up the Baby. Ah, ça sonne pire, André. Ça, j'ai gonflé le bébé. Ben, il a disparu, oui, on dirait. Ah, ben non, mais Rick Moranis, honnêtement, là, je l'aimais. Ça serait cool qu'il fasse comme Bob Saget. Tu sais, qu'il fait un comeback, mais juste. Vulgaire fucking au bout, là. Comédien vulgaire au bout. Là, tu fais, man, c'est Rick Moranis. C'est un sketch comedy artist de CTV canadien. Mais, c'est de l'école de John Candy, toute cette gang-là. Ouais. Il y a de l'argent, il pourrait s'arrêter. Mais sérieux aussi, j'ai entendu parler que Martin Short il s'occupe de sa famille ou quelque chose de même. Je pense que sa femme est morte puis il a décidé comme de donner à temps plein ses enfants, là, quelque chose de même. Là. Mais c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, je ne sais pas. Moi, j'aimerais ça qu'il fasse un autre film. Il va peut-être faire un film des frères McKenzie. Ben, il doit être assez vieux, ses enfants, si c'est ça le cas, là, Star. Ça fait quoi, 10 ans qu'il n'a pas fait de film? Là? C'est gay. Décroche de ta famille. En passant, Mel, ben bonne la croustade. Merci beaucoup. Bon, ouais. C'est non. Il n'y a pas de noix. Ce qui est... Il n'y a pas de noix. En passant, Milter, si jamais vous approchez une pinotte de Milter, il y a des très bonnes chances qu'on perde un collaborateur, donc on fait gaffe. Comme, ouais. Mais pour revenir à ma question des cartoons, là, de même, là, ouais. Transformers, c'est un reboot ou un remake ou c'est juste... En tout cas, moi, ça a scrappé une couple de souvenirs pour moi d'enfance. Mais déjà, Transformers, en partant, ça a une histoire bizarre. Ah, pour moi. Moi, j'aime pas comment, exemple, dans le 3, là, ils démolissent le 95% de la ville, puis il y a personne qui est un petit peu moindrement conscient qu'il y a comme 200 000 innocents qui sont morts présentement. L'armée, elle a évacué tout Chicago, OK? Pour de vrai? Il y a une ligne qui se fait dire « Evacuate the city », tout le monde était vide. La ville était vide. C'est pour ça, fait, mais ça leur dérange pas pareil, on dirait que... Je suis même pas sûr si c'est arrivé pour de vrai, okay. Mais, non, mais c'est quelque chose que tu dois assumer. Michael Bay, come on, lui, ce gars-là, il aura jamais tué assez de monde dans ses films. Mm. Non, c'est incroyable. Moi, je pense que la pire tuerie de film, c'est qui le dude là? C'est pas Michael Bay qui a fait Independence Day, hein? C'est. Ça, c'est Roland Emmerich, mon héros. Dude. En fait, je proclame tout de suite Roland Emmerich, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et je suis un grand cinéphile, fait que manger de la merde tous les haters. Roland Emmerich, Universal Soldier. En partant, là, man. T'es sur 18 forums, ton adresse vient de sortir. Puis ils vont t'envoyer des têtes de cheval c'est par la Roland poste. C'est Roland Emmerich, mais c'est pas lui mal qui avait fait Godzilla aussi. Hey, tu veux pas... Oh boy! En parlant de remake. Godzilla, remake ou reboot? Vrai. Moi, je dis c'est un reboot. C'est un reboot, ça. Mais si Emmerich le touche, c'est un Emmerich. Mais c'est bon ou pas bon, ça? Ouais, c'est ça. On est comme ambigu un peu sur le sujet, là. Emmerich, je sais pas, man. Le gars, il s'en fout. Il fait qu'est-ce que... Sais-tu que cet homme-là, son film indépendant pour sortir de l'école de cinéma de l'Allemagne, il s'est amassé 1,3 million de dollars pour faire son premier film d'étudiant. Mais attends, du coup, c'est un king de montage d'argent et de pitch, de pétage de choses et... On parle de Godzilla qui est sorti avec Puff Daddy devant. Là. Hein? Non, Puff Daddy, il fait juste jouer la toune. Non, mais il est pas dans le film non plus, me semble. Il y avait les Wallflowers aussi. Qui est dedans? Non, mais Wallflowers, ça, jamais ça. Non, mais c'est sûr qu'il y avait un mini-rôle là-dedans. Tu parles de Godzilla? Ouais. Wallflowers, il y avait un clip de vidéo. Non, mais Puff Daddy, il chantait la... Il jouait pas dans le film. C'est sûr qu'il y avait un rôle dans le film. Une toune avec... Avec le gars de... La toune est très là, mais Puff Daddy, il est pas dans le film. En tout cas, feeling qui était dedans. Héros. En tout cas, je vais arrêter de le dire. Il a essayé de faire un premier film un peu sérieux avec Anonymous dernièrement. Anonymous, on parle d'Anonymous. Le québécois ou le groupe de Shakespeare. De Légion, En tout cas, le check et le film. Ah, c'était ça le trailer que j'ai regardé et j'ai fait hey, je vois tellement pas aller voir ce film-là. Il y a des très bonnes chances que c'était ce film-là. Mais il s'est essayé de faire un film avec pas de pétage de choses. Inquiète-toi pas, il va sortir un autre film où il pète une ville, tout le monde va aller le voir. Écoute, s'il est capable de topper 2012. 2012. Qui était excellent. Non, mais 2012, c'est comme j'ai tué X nombre de personnes dans les mêmes idées. J'ai tué 2012. Non, mais regarde, c'est ça. Puis ça, faut que je prouve un de mes anciens collègues, Mike Garceau. Mike, si t'écoutes ça, regarde, t'as eu un impact sur ma vie. Ce gars-là, c'est un enfoiré, OK? Pas Mike, mais Emmerich. OK, OK. Il a tué X nombre de personnes dans Independence Day. Puis Mike Garceau, je suis sûr qu'il adore Roland. T'as peur, c'est passé. J'en ai pas tué assez dans Independence Day. Je vais pas Il rehausse. Portez attention si vous écoutez 2012, OK? Dans le background, tout est fait en ordinateur. Wow. Puis tu vois, ils ont pris le détail de faire chaque petite personne qui s'accroche à leur vie sur le balcon au 15e étage d'une bâtisse. Oui. Puis ce gars-là est un sadiste. Ouais, j'ai remarqué aussi, c'est intense, un... là. Il aime faire souffrir les animaux un peu parce que il y a toujours un chien. Vraiment. C'est ça. Mon alarme de cellulaire. Il y a toujours un chien qui est sur le bord de crever comme dans Independence Day. Oui, mais dans 2012, il y a le poudre. Mais c'est ça. Juste avant moi, j'aime pas ça. Puis quand tu vois le chien dans Independence Day qui tourne dans le tunnel, puis juste attend, il rentre dans la porte. Mais c'est ça. Ah, le chien! Pareil dans Tony Twop. Il va se noyer, il va se noyer. Puis là, elle sauve le chien. Puis j'étais, oh mon Dieu, quel bon cœur. C'est un héros, man. Non, non, mais la meilleure scène de chien, c'est celui dans Daylight avec Stallone. Le chien dans le tunnel. Oui, non! On s'entend-tu, il n'y a rien de mieux pour un appel à l'émotion qu'un chien ou un qui va mourir. Ouais. On aime ça, les chiens. Hey, au moins Bound, là, c'était quoi en français, ça? Là, les deux chiens et le chat. Milo et Otis. Retour au bercail. T'écoutes ça, puis tu brailles à la fin, puis là, ta blonde t'arrive, puis elle dit t'es-tu fif, puis là, tu fais ben non. C'est comme les 28 Benji, là, ou je sais pas quoi, il est perdu dans le bois. Non, non, non, c'était quoi? C'était Toby. Toby joue au basketball, au hockey, dans l'espace. Non, non, mais il est bon maudit, lui, par exemple. Il a le talent dans le chien. Il est excellent. Tu as dit, tu sais quoi, il est dans l'espace, tu disais. Il y a Toby. Non, c'est un singe qui fait du skate. Si je me MVP. Les deux. Oui. Mon voyant primate. Avec Matt Leblanc. Quoi? Ah non, ça, c'est un autre film. Le singe, ça, ou l'acteur? Ouais, MVP. Est-ce que c'est niaiseux des films avec des singes, pareil? Non, c'est pas niaiseux, pas en tout. Il y a la nouvelle série Animal Practice, puis c'est tout fait à l'entour du singe de Hangover. Checkez ça. Quoi? Le singe de Hangover 2, là. C'est un qui s'est tiré, là? C'est comme un genre de side vedette. C'est comme ils ont fait un genre de... Ah, en tout cas, les gens qui cherchent des affaires nouvelles et spéciales à écouter cet automne, Animal Practice, ça se passe dans un centre vétérinaire. T'as un docteur très excentrique, un petit peu, imagine, un docteur à la House, mais moins bien joué, mais qui prend soin des animaux, mais c'est un génie. Y es-tu britannique, mais tu le sais pas? Ça se peut. Mais il y a le singe de Hangover 2 qui est là, puis il joue là, un genre de vedette de cette place-là, puis il est toujours là. Et c'est le même singe. Puis il fait plein de scènes vraiment écœurantes. Puis il fait l'homme passeur, c'est très drôle. C'est à quel poste ça joue, ça? Je pense que c'est NBC. Je pense que c'était peut-être un poste spécialisé ou... Non. On est en plein automne. Je sais qu'il y avait une époque... Je sais que maintenant, on ne sait plus qu'à s'y regarder avant qu'il y ait toute une saison sortie, puis c'est comme la version TP des téléséries. Mais là, il y a Dexter qui sort, puis tout. Oui, il y a Dexter qui commence à soir, mais l'automne, il y a plein d'autres téléséries qui commencent. Hey, Dexter, je pense que je suis le seul gars au monde qui embarque pas. Moi, je n'ai pas embarqué. J'ai jamais embarqué, moi non plus. Alors, basé sur ici... Moi, j'ai tout écouté. 75% des gens n'aiment pas Dexter. Il y a des saisons moins hautes que d'autres, là, disons. Ah, mais moi, j'ai essayé d'écouter comme 4-5 épisodes de la saison 1. J'écoutais ça, puis c'était comme bon, hein, il est Villain of the Week, il bute. Villain of the Week, il bute. C'est ça. Dexter est pas bien. Ça a lâché ça après genre 6-7 épisodes, justement, dans la première saison. Après, il commence à moins se concentrer sur le gars de la semaine, si on peut dire. Puis après, ben, t'as le gars de l'année, si on peut dire, de la saison, là. Ah, mais si tu vois, regarde, quand ils ont rentré Edward James Olmos là-dedans, là. C'est qui, ça? Dude, come on, Miami Vice, Blade Runner, Battlestar Galactica. Selena. Dans la saison. Attends. Edward James Olmos, pis tu nous plugs Selena, man. Tu venais jouer. Ok, non, ça c'est bon. Ok, non, effectivement. C'est le gars qui est dans saison 1, genre, le criminel de la saison, c'est ça? Non, il est dans saison. Je sais pas trop quoi. Je me l'ai fait plugger, il était dans. La dernière saison, peut-être, ou quelque chose de même. C'est un vieux bonhomme, il a une face comme... Il a la face comme Claude Blanchard. Le vieux Rocky Crater. Je crois que c'est le Black qui apparaît saison... Non, il est pas Black, par exemple. C'est le vieux que je sais c'est quel d'abord, là. C'est le vieux de la dernière fucking saison. Fucking Adama, man. Je savais pas ce que c'est son nom. Battlestar Galactica, je sais. Ça, c'est We All. Mais en tout cas, il y a une couple de séries qui a recommencé cette semaine. Ça a comme eu un break, puis moi, ça m'a tué parce que... Tout le temps en retard là-dessus, de toute façon. Ils ont arrêté Breaking Bad, je savais même pas que ça arrêtait. Ils ont juste 6 épisodes et ils l'ont arrêté. Mais là, ce soir, il y a Once Upon a Time qui recommence. Ouais, c'est quoi ça? Once Upon a Time. Un remake en série de, c'est super bon, de Blanche-Neige. Non, non, non, c'est pas juste ça. C'est tous les contes de fées. Tous les contes de fées, en fait. Imaginable, La Belle, la Bête, comme Grimm. La Belle au bois dormant. Ah, non, c'est pas les mêmes contes. C'est pas les mêmes contes. Il y a une nouvelle La Belle et la Bête aussi qui commence. Hein. Oh my et God, le meilleur, c'est celui des années 80. Ouais, ouais, c'est ça. Avec les années égouts, là. Non, non, non, non, c'est les années égouts. Avec le gars qui ressemblait à Michael Bolton, mais qui fait un lion. On est super bon avec les noms sur le spot. Je mets le défi à n'importe qui de se mettre sur un podcast et se rappeler tous les noms. Mais c'est Hellboy qui jouait... Oui, c'est vrai, il y a tellement une face de singe en plus, ce gars-là. Hellboy, Man of the Beast, puis le gars de Sarah Connor qui jouait la belle. C'est Gus Sons of Anarchy. C'est actif, mais on sait pas les vrais noms. C'est vrai. Parlant de Sarah Connor... Dans quoi? Oui, il est dans Alien, Resurrection. Il est pas dans... Non, c'est ouais, dans Resurrection, la version française. Il joue dans Sons of Anarchy aussi. Ça paraissait que c'était un film français, ça. Mais ça, pour revenir à Once Upon a Time, pour finir, c'était quoi? Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui le sait. C'est tous des contes de Disney, là, mais bon, c'est des contes plus longtemps que ça. Puis, bon, ils ont tout oublié, en le fond. Il y a une curse qui s'est jetée dans leur monde, puis ils ont tout été transférés sur la planète Terre parce que la méchante sorcière de Blanche-Neige, justement, a lancé une curse. Fait qu'ils se souviennent pas de rien, puis ils vieillissent pas, fait qu'ils sont rendus des humains normaux. Puis là, bon, il y a la fille de Blanche-Neige. Je vais pas trop spoiler non plus, mais bon. Ça a l'air beaucoup plus intense que je pensais, sérieusement. Non, c'est vraiment bon. Moi, au début, j'étais comme, ah, ça a l'air... Puis, tu sais... La fille de House, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai, c'est elle. Tiens, me de le rappeler, c'est la fille de House. La blonde. Non, la blonde. Les trois premières saisons. Je pensais que vous parliez de Korra dans Tron. Fait que j'avais un semi-hard-on. Non, non, non. Je commençais à avoir du wood, là, mais... Non, pas elle. Mais c'est ça, fait que c'est très bon. Le monde peut croire c'est enfantin ou un peu cheesy, mais honnêtement, il y a des bouts de cheesy, mais je pense que c'est vraiment exagéré, je pense, fait que c'est fait exprès un peu. Mais c'est vraiment bon. L'histoire est vraiment très bonne, puis goffée que je connais ont embarqué dedans. Ouais, c'est très bon, j'aime beaucoup ça. Ça m'a intrigué un peu, ma blonde aussi. Fait que c'est super bon. Ça a été donné une chance. N'importe quel film que la mère de Kirk est dedans, je suis content. Kirk Khan ou... Non, Kirk J.J. Abrams. C'est elle, sa mère, là. Kirk! Elle dit pas ça, mais elle accouche de Kirk pendant que le vaisseau est en train de péter. Oh. Fait qu'il y a tout le temps des naissances pas faciles. Moi, je me rappelle de aucun nom, mais je fais des liens absolument absurdes. On continue. Non, mais écoute, honnêtement, on ferait un diagramme à un moment donné, je pense, là, tu sais. Parce que je nous écoute, on a dérapé solide. On parlait des remakes, on est rendu qu'on finit de... On parle de Kirk qui se fait accoucher, puis... Dans un vaisseau qui explose. Parle pas son père, Thor. Hey, le pire, là, c'est que je m'en rappelais même pas de celle-là. Là. Trop de liens qui sèment des souvenirs. Mais honnêtement, là, ça serait quoi les films tabous? Tu sais qu'on n'a pas le droit de faire un remake. Mettons, là, on prend... Là, ça n'existe pas. Eric, ça n'existe pas. Ouais. Pourquoi ça n'existe pas? Ça n'existe pas parce que de un... Si tu peux ramasser de l'argent pour avoir une différente vision d'une franchise déjà populaire, vas-y fort. Moi, personnellement, comme grand fan de bien des séries, je vais jamais prendre ça personnel ou à cœur que quelqu'un essaie de donner une deuxième shot. Moi, je suis prêt à regarder des choses. Puis si c'est une franchise que j'aime, puis ça a des clins d'œil à ce que j'aimais quand j'étais kid, go for it. Mais y a-tu une limite de temps dans le sens que le monde devrait attendre? Parce ouais, ça, c'est un point intéressant, ça. T'sais, OK, gars, on va prendre Robocop. Ça fait assez longtemps. Ouais, Robocop, c'est correct, le laps de temps entre les deux avant de la refaire. Il y a du monde qui trouvait que Spider-Man, c'était trop vite. Ben, dis ça à Sony, ils ont pas le choix, sinon ils vont le perdre. Non, mais ça... Ouais, mais ça, on sait pourquoi c'est arrivé, par exemple. Mais... C'est que Marvel... S'ils font pas c'est Sony qui faisait leur film. Disney reprend... Mais en fait, c'est que Marvel ont eu la chance de faire leur propre film de Spider-Man aussi. Quand? Parce que le dernier Spider-Man, c'est Marvel. Les autres d'avant, c'était Sony inspiré du scénario de Marvel. Puis t'inquiète, il y avait un deal. Mais Sony a encore un deal en ce moment, là, par exemple. Ils ramassent du cash. Mais là, c'est qu'eux autres, Marvel avait carte blanche. De ce que je me souviens, là, c'est qu'ils ont eu, le droit de faire leur propre film, dans le fond. Hmm. Puis j'ai tué la conversation. Non, pas en tout, mais c'est parce que... Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a un peu raison. C'est trop récent, là, dans un sens. Ouais, mais c'est parce que l'histoire... Que je veux dire, je suis même pas un grand fan de littérature, mais je suis convaincu que si tu t'embarques dans l'histoire, dans l'écriture, dans la manière que les contes se fait, les histoires reviennent toujours. Il y a toujours, je veux dire, si tu veux y aller creux dans la conversation, ben, gars, ça va toujours se répéter. Tu parles de style d'écriture dans un sens, comme, gars, moi j'ai le meilleur exemple là-dessus, là. Avatar, là. C'est Silence of... Ah, pas, qu'est-ce que c'est? Avatar, non, Avatar, là, le film de bébé ICU, bleu. ICU, là. C'est la même histoire que Titanic. Puis il danse avec Lilou. T'as oublié Ferngully là-dedans. Ferngully, je l'ai pas vu, fait que je m'avance. Moi, je dirais Avatar, je dirais Pocahontas, bien plus simple de même, mais bon, ben, aussi, ça a l'air de vous compliquer aussi, la vie avec d'autres films. C'est la même affaire, c'est le film, puis c'est toute la même affaire. C'est le gars principal tombe en amour avec la culture ennemie et la défend comme si elle était sienne. Mais c'est Pocahontas, exactement. Ça, c'est ouais, Pocahontas, Titanic, la fille qui est riche, qui tombe en amour avec la culture pauvre, puis qui... J'ai pas vu le Titanic. T'as pas vu Titanic? Je suis fier. Ben, je te le dis. C'est un moral Titanic. Non, mais honnêtement, là. Carrément, il danse avec les gens. Non! T'as jamais vu Titanic. Non, mais c'est comme. C'est un moral Titanic parce que, tu sais, quand tout le monde te compte toutes les bouts d'un film, pis ça fait des années, pour les gens qui me connaissent, je travaille dans des clubs vidéo, fait qu'ils mettent des films, pis t'entends. J'ai vu Titanic indirectement. Mais je me suis jamais assis pour écouter Titanic. Puis tout le monde m'a dit, t'as pas vu Titanic. Faut t'écouter Titanic. Voyons, Titanic, c'est un bon film. Titanic, t'as pas vu ça. Non, j'ai pas vu Titanic. Mais ouais, gars, Asnay à la fin, il y a un cœur de la mer. En fait, Asnay à la fin. T'oublies le bout que le gars il tombe sur l'hélice. Ah ouais, c'est tellement drôle. Tu l'as pas vu le film. Y a-tu broyé? Y a-tu ce gore? Non. Mais tu vois, fuck off. La tête qui pointe, qui rebondit. C'est nice. C'est le meilleur bout du film. C'est vraiment drôle. Ok, mais je vais-tu me claquer 2h30 pour voir un gars tomber lentement sur une hélice? Il tombe lentement, il tombe. Non, il tombe sur l'hélice. C'est nice. Ok. Mais tu penses à moi pis Oldboy en passant, je dis ça de même là, moi je trouve ça plat. Mais Oldboy, c'est le plan continu, je pense. C'est une scène, le plan continu avec le marteau là, que tout le monde va te ramener ça à chaque fois. Mais à part de ça, ouais, là, c'est... Si tu veux vraiment t'endormir, c'est No Sympathy for Lady Vengeance. C'est, si t'as pas aimé Oldboy, écoute celle-là. C'est celle-là que j'ai aimé. Pour vrai? Les trois, c'est celle-là que j'ai apprécié. Ben écoute, c'est bien. Mais la scène de la fin de No Sympathy for Lady of Vengeance, là, je m'excuse, ouais, là, c'est hardcore en Christ. D'avoir tous les parents là, qui sont. En tout cas, c'est donc en... scène continue. En conclusion. Non, okay, c'est plein de parents qui. En tout cas, c'est hot. Fait qu'en conclusion, guys, mettons là, un remake. Là. C'est quoi les règles non écrites? Ok. Y'a-tu un délai de temps? Y'a-tu des films qu'on touche pas? Mais moi, j'ai déjà dit que je m'en fous. Ben, pas... Fait que selon Eric, on s'en fout. Selon Milter. Moi, je pense que. Il y a un petit délai. Un petit délai. Donne une chance. Si c'est trop frais dans la mémoire du monde. Ça, moi, j'ai rien contre les remakes, rien contre les reboots. Je vais leur donner une chance. T'as des bonnes chances de me scraper ça. T'as des bonnes chances de faire de quoi de bon, comme Dawn of the Dead, comme je disais tantôt, que j'ai beaucoup aimé. Mais s'il y a eu, exemple, le même Spider-Man, là, il est sorti, je m'en souviens, j'étais adulte. Ils le refont. Ah. 5 ans après le dernier. T'es-tu encore adulte? Ouais, j'ai quelque chose à vous rappeler en passant. Comme Transformers, que j'étais jeune, j'écoutais des comics quand j'avais 4-5 ans, puis qu'ils le font à Star quand j'ai 31. T'as eu combien de versions de comics de Spider-Man depuis que t'es jeune? Ben, en plus, mais, je sais pas, ben non, mais regarde, c'est comics, mais je sais pas, pour moi, c'est trop proche. Okay. Mais j'ai rien contre le fait qu'il faut qu'on l'oublie un peu pour revenir et faire « Oh, c'était... » Mélanie, c'était... Oui, je voulais juste vous rappeler un film qu'on a complètement oublié et qui mérite d'être souligné, tellement que c'est de l'hostie de marne. C'était le film de Dragon Ball Z. Oh. Ah, si je m'excuse, oh, ça, je l'ai même pas fini, je suis pas capable. Mes affaires de cartoon, dans un sens, ça qui ont part. Été... Ouais, c'est un remake, ça. Non, c'était une adaptation du livre, mais ça avait aucun rapport. Mais l'ont adapté. Mais c'est dégueulasse. Du début qui viennent faire un. Sans aucun rapport. Premièrement, ils ont pris un pic. Le gars, il devait peser 100 livres mouillés. On s'entend-tu que la particularité. Il est pas blanc en plus. Il est white en plus, en tout cas. Il est blanc, puis non seulement ça, il est mec. Mais la première chose que tu vois quand tu regardes les personnes de Dragon Ball Z sont torqués comme des malades mentales à la sauce, ok? As-tu des cheveux en pic? Même pas. C'était genre c'était un petit peu comme un désert, mais c'était pas, tu sais, comme. Ah, bon, mettez des perruques, engagez des bodybuilders, faites de quoi, s'il vous plaît? Mettez ça à la sauce, mettez du CG. Je sais pas, mais c'était dégueulasse. J'ai même pas mis le film. Je pense que le Mikamiyami aussi, c'était une vraie merde là-dedans. Tortue Géniale avait les cheveux noirs. C'était le japonais. C'est quoi son nom? Tortue Géniale. Excuse-moi. Tortue Géniale. j'ai lu les mangas français plus jeunes, fait que j'ai Tortue Géniale dans la tête. Mais c'est quoi en anglais? Turtle Hermit ou... Tortue Génial. C'est son nom français. C'est menaçant. Me semble que c'est un dimanche après-midi à Radio-Canada. Ouais, c'est quoi son nom en tout cas? Des petits cartoons. C'est quoi? Je me sais même plus en japonais. C'est... J'avoue que c'était étrange. Hey, puis le P, c'est... Ah, c'est quoi? C'est pas James Marsters qui s'est fait plugger là-dessus à Comic-Con? Ouais, il a pas parlé de Dragon Ball. Il a parlé de Dragon Ball. Il a joué dedans. Ben, c'est lui qui faisait Piccolo. Ouais, c'est ça. Oui. Il disait qu'il était fier parce que c'était le seul film que son fils le reconnaissait. Puis qu'il était fier de montrer ça. Mais c'est raison que t'es bonne, par exemple. Parce que c'est vrai, parce qu'il dit Dragon Ball, c'est être un homme. C'est être assez fort pour protéger sa famille. Mais ça, ça marche, peu importe. Là, ouais. Quelque part, là. Ça respecte pas les mangas que tout le monde capote, qui ont lu par cœur depuis qu'ils sont jeunes. Mais la base de l'histoire est là. Mais ça, d'un autre côté, par exemple, là, nous autres, on les a lus, les mangas. Là, mais après, moi, quelqu'un de 17 ans, ah, ça, il est pas. T'en as lu un, voyons donc. Aucun. Moi, j'ai jamais trouvé un manga. C'est le premier manga que j'ai lu. 120 volumes de ça aussi. Fait que le monde, tu sais, tu t'attends à quoi, là? Il peut pas, en 1h15, condenser 120 volumes. Non, mais il y avait aussi les séries animées, je l'avais sur tape. Je m'en souviens, on m'a tellement écouté. Les gars, sur tape, là, je peux te le dire, parce que je suis comme un peu plugué avec eux autres. Mais Dragon Balls, là, il y en a en tabarouette du DVD disponible là-dessus, puis il y a comme. Je veux pas m'avancer sur le chiffre, là, mais entre 300 et 500 épisodes, peut-être beaucoup plus. Mais ça, beaucoup, si tu compares à Naruto, à Bleach, ou whatever. On va être planté par les fans de Dragon Balls là, à cause de ça, là, mais il y en a en tabarouette d'épisodes. Là, fait que tu peux pas faire tout ça dans non, un mais... film, sinon le monde va dire, mais là, il a fait 10 films. Non, non, mais il y a une limite à respecter quand même. Là, je veux dire. Puis le film Dragon Ball, tout le monde l'a dit, c'était un flop total. Le monde capotait, c'est de la merde. Le monde était le film insulté. A eu beaucoup de hate, mais avec raison, je suis désolé. Autant que Airbender ou. Airbender, tu parles de M. Night Shyamalan. Avatar, The Last Airbender. Hey, ça, on s'entend par exemple. Là, ça, c'est American. Avatar, cartoon, le cartoon, c'est un des derniers bons cartoons que j'ai accroché dans les dernières années. Honnêtement, ouais, c'était tellement bon. C'est des amis américains. Ouais, c'est effectivement. T'as-tu joué au jeu d'Xbox? J'ai fait les 1000 points de Gamer Score. J'ai arrêté de jouer. Les 1000 points les plus faciles de toute ma carrière de gamer, c'est tu mets le jeu en dedans d'une minute et demie avec le loading time, t'es capable d'avoir 1000 sur 1000. Après, t'as plus aucun challenge au début à jouer à ce jeu-là. Fait que tu le sors puis tu t'en vas le revendre. Ou tu le gardes pour le passer à tes chums puis avoir 1000 points à eux autres aussi facile. Ou tu le loues. Ouais, pendant qu'il y a encore de la location. Ben, je l'ai jamais vu en location à cause de le monde. Ben, il est dur parce que, honnêtement, ben, le jeu. Dur, là, c'est tellement de la merde. Non. Non, mais c'est parce qu'il est dur à trouver. Là. On s'entend-tu, là, regarde. C'est le genre de jeu que le monde joue 5 minutes. Fait que tu le mets dans les blocs, tu le sors. La vie de ce jeu-là, c'est d'être mis d'une console 5 minutes, à d'être sorti. Points, il est graffiné comme ça se peut pas en 30 secondes, le disque. Là. Parce que les gens font vraiment attention aux produits de location. Là. Oui, ouais, c'est ça, j'en ai vu par expérience. Fait que dans le fond, là, on a fait pas mal le tour du sujet du remake puis du reboot, selon moi. Moi, j'ai une affaire à ajouter, ben vite. Là. Okay. On a 300 autres. Ben non, mais... Ça sent la dérape. Non, pas tant que ça, dans un sens. Quand on a dit Dragon Balls, puis je m'ai fait penser en disant qu'il y a comme 500 plus, ramassez-moi sur Facebook là-dessus, mais épisode de Dragon Balls, puis que pour faire des films qui suivraient comme faux, faudrait qu'ils fassent genre 10 films live action, quelque chose. Non, mais t'as des périodes, t'as des arcs aussi dans les mangas, là. Arcs. Ça, c'est sûr. Puis ils sont basés sur la première arc, je crois. Je me souviens plus trop du film, comme je vous dis, je l'ai même pas regardé complet parce que j'étais en train de vomir. Ouais, ils ont pris une petite partie puis ils ont fait le film là-dessus. C'est ça. Tu peux prendre des arcs puis faire un film basé là-dessus. Je sais, tu peux pas couvrir une histoire complète, ça n'a pas d'allure. C'est Dragon Ball Z, c'est un peu Dragon Ball Z en fait, ils ont couvert Dragon Ball. Fait que, tu sais, il y avait moyen de... Je sais même pas, je connais... C'est Boudouk. Mais moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que, tu sais, ils feraient 10 films, mais tu sais, les films, que c'est pas nécessairement des remakes ou des reboots, mais tu sais, quand ça fait 7 suites qui font comme les Saw, là, Décadence, ou Resident Evil 3D... Comme qu'on parlait dans le char, que ça fait à peu près 4 trailers de suite qu'on voit une paire de lunettes se faire lancer puis arriver vers nous en 3D. Sont dans 3D, Resident Vita aussi, une couple de fois. C'est des blogs, là, depuis... Les films sont en 3D dans le trailer, pas dans le film, dans le trailer, il y a une scène qui a pitch des lunettes vers toi en 3D. Mais elle est tout le temps dans le trailer? Pourquoi? On le voit pas dans le film. Mais... Ben, c'était pas celle-là qui avait le genre de montage où ce que tu voyais la tablette Sony, le Vita, télé Sony, la grosse publicité Sony à sa part. Mais pensez-vous qu'ils ont donné une royauté à John Woo pour lancer des lunettes? Absolument pas. À moins qu'il y ait des pigeons. Il y a des pigeons? Il y avait peut-être des pigeons puis du feu. Ok. Moi, parce que ça... pour un film de John Woo, ça prend des lunettes, des pigeons puis du feu. Ouais. Mais tu sais, il y a des films de même, là, rendus là. C'est quoi, 6 ou 7, là, Resident Evil? À un moment donné, le fun s'en va un peu. Ouais, mais on s'entend que c'est dans les mains d'un homme puis sa femme. Qu'en ce moment, ça rentre de l'argent en mousse. Mais le monde, les Japonais, ils adorent ça. C'est ça, je comprends. Je suis sûr qu'il s'est dit, check bien ça. Hey, je pense que Resident Evil, là, check bien ça, je vais les faire sauter. Puis là, il fait des films, là, puis il dit, check bien, je vais les faire réagir. Puis après ça, il s'est dit, hey, Alien vs Predator, là. Check bien ça. Check bien ça, mais faire sauter. Parce qu'il a commencé tout avec Mortal Kombat, Mister, là. Il a commencé avec Mortal Kombat, il a réussi ça. Mais non, moi, il délègue deux, au moins. Non, le premier, il a juste fait le premier. Ouais, mais, ouais, ok, moi, je parlais de la série de Mortal Kombat. On a normal que j'évite le nom, parce que je sais pas son Christine. Annihilation, le deuxième. Mais il a commencé avec Mortal Kombat. Annihilation, c'est pas lui pantoute, sûrement. C'est le deuxième. Ouais. C'est le deuxième Annihilation. Mais après, quand il a commencé Resident Evil, là, ça juste. Le premier, c'est un hit. C'est, la, ouais. C'est le. Si on parle de film de cartoon, de jeu vidéo, c'est le seul hyper rentable. Ouais. Hey, Prince of Persia. Oh my god, c'est pas rentable, Prince of Persia. Pauvre. Oh boy, hey, ça a pas de sens, hein. Non, ben. Il était mieux de rester autour du feu à manger du pudding, lui. Oh my god. Hey, en plus de ça, on sort Sands of Time ou whatever en même temps. C'était même pas Sands of Time, c'était l'autre, là. Ah, c'était celui qui ressemblait à un Final Fantasy, là? Non, celui après, ils ont sorti le reboot, puis ensuite, ils ont sorti un autre qui avait l'air des lieux. Ouais. Mais là, ils font-tu un autre film ou ils ont gagné? Non, je pense qu'ils ont appris. Ils vont plus donner leur licence comme ça, puis ils se disent qu'ils vont faire leur propre affaire maintenant. Ils sont dans le coin, là, à genoux sur une. Ben ça, ils des pois chiches. Un sac de poids. C'est ça, un sac de poids. Ouais, dans le coin, là. Parce que moi, après trois films, là, t'as fait ta durée, là, je pense. Là, s'ils commencent à faire comme un quatrième Transformers. Je vais la regarder, mais ok. Ouais. Fait que dans le fond, là, on est rendu à la manette dorée. Oh. Oh, on est Eric, là pour mon activité. Eric, là, il va falloir que. Premièrement, as-tu écouté Big Man Japan? J'ai écouté Big Man Japan. As-tu aimé Big Man Japan? Tu sais quoi, je vais pas m'embarquer dans un mode critique parce que c'est pas mon genre, mais non, je l'ai pas aimé. Mais okay. J'ai aimé qu'est-ce que c'était. Ok, c'était quoi Big Man Japan? Big Man Japan, d'après qu'est-ce que j'ai pu comprendre, c'est un gars qui a écrit un film. Je m'excuse s'il y a des fans de Big Man Japan qui veulent me corriger là-dessus. Ça se peut. Montréal Alien sur Twitter. Oui, en tout cas. Fait que Big Man Japan, qu'est-ce que j'ai apprécié? De un, c'est que c'était une excellente surprise de Milton, merci, mais pas ouvert. Et en regardant la pochette, là, t'es vendu tout de suite. Là, le Big Man Japan là, avec les cheveux dans les airs puis son bâton en acier que je comprends pas d'où il est sorti encore. Il est pas dans le film, le bâton. Là. Il est dans tout le film. Ah, ok. Oh, ouais, c'est son arme. Je pensais que pour ça tu dis. Non, ben, c'est parce que la fête, en tout cas, le gars, en tout cas, on va arriver à pourquoi il y a le bâton dans les mains. Ouais, vas-y par étapes, là. T'sais. Étape. Fait que étape, c'est filmé comme un faux documentaire. On parle Blair Witch Project. C'est quoi l'autre avec les aliens? Cloverfield. Ouais, mais dans le fond, c'est pas un documentaire, c'est une caméra à l'épaule, genre. Plus. Caméra à l'épaule. Non, c'est vraiment un documentaire. Là. Okay, c'est en train de suivre cet homme-là que à chaque temps en temps, quand le Japon ou Tokyo ou quelque part au Japon se fait attaquer par un monstre, il se fait énergiser, devenir gros. Et il doit aller battre le monstre, puis après ça, il retourne à sa vie, plate, triste, à aucun but. Mais gros comment? Gros comme un Metal Gear? Ou... Gros comme un Metal Gear, en fait, si tu veux aller de même. I see what you did there. Troll face. Cela dit, il est toujours en train de se faire monter pour devenir le gros monstre, pour aller battre les bébites qui arrivent pour attaquer Tokyo. Puis les bébites, ils arrivent à n'importe quoi. Puis c'est tout basé, je pense, sur des mythologies japonaises. Mais tu sais, t'as des bébites qui habituellement ils serrent des forteresses, qui après ça ils pondent des œufs à travers d'une aiguille qui sort de leur anus. Y a-tu des tentacules? Y a une tentacule que je peux me rappeler de qui est spéciale, puis c'est une bébite qui tient son œil sur une tentacule, puis son œil, c'est comme il l'utilise comme son arme, il la lance, puis il lance toujours son œil, mais son œil est attaché par une tentacule qui est étrangement mis entre ses jambes. Pour ceux qui voient pas les moves d'Eric présentement, c'est très représentatif. Une grosse balle de dans mes boules, puis c'est justement ça que c'est. En tout cas, il y a plein de bébites vraiment cool. Mais ça me semble lancer ton œil, c'est comme pas le meilleur move à faire. Et ça à cette bébite-là. C'est ouais. Mais c'est ça que c'est. Mais tout ça pour dire qu'il suit cet homme-là, qui est toujours en train de se faire appeler, puis il est rendu vieux, il est rendu déchu. Pourquoi? Parce que le peuple sont plus intéressés par les combats. Fait que, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que c'est un film japonais qui est une lettre d'amour un peu à l'époque de les Godzilla, de les Ultraman, de les gros pibite qui sauve la vie. Puis là, tout le monde sort tanné de ça. Il boit du scotch. Puis... Il aime plus ça le monde, genre. Lui, il est rendu, il sent triste parce qu'il sent oublié. Mais il est rendu vieux, il est rendu gros. Les gens, ils écoutent plus ses combats. T'as même des allusions à des moments où ils discutent comment est-ce que, avant les combats de méchants, puis de gros jambons de 100 pieds, mais ça passait au prime time, sa télé, dans le temps de ses ancêtres. Mais là, ils le font plus. Là, ça passe à 3h, 4h du matin. Beaucoup comme des films de ce genre-là. Ouais, mais c'est ça, c'est une métaphore. C'est une métaphore actuelle qui aime plus ces films-là. Fait que tu vois, le gars, dans le fond, lui, il est dépressif puis il est nostalgique. Là. Lui, il se rappelle du bon temps. Ou... Énormément nostalgique. Puis ça suit tout avec un gars qui l'entrevue, qui fait une entrevue avec lui puis tout ça. Puis il parle à ses agents. Il est rendu tous ses tatous. Là, si vous en regardez, c'est le tatou qu'il y a sur la pochette. Mais c'est des commandites. Il est rendu qu'il vend des tatous comme ça, c'est original, pareil, là. Mais je trouvais ça intéressant. Puis il y a un agent qui est comme, garde, là, tu fais plus d'argent, fait qu'on va vendre de l'espace publicitaire sur ton corps à chaque fois que tu t'es appelé pour battre contre des bébites. Mais t'es en train de me dire que c'est rendu que le Japon a enfin compris que c'était rendu anodin de se faire attaquer par une grosse mente religieuse. Mais il y a fait un film qui dit que je suis triste que maintenant on est tanné de ça. OK. Mais... C'est aussi un film japonais, tu arrives à un bon point. C'est une comédie slash drame japonaise. Puis s'il y a des gens qui ont déjà trippé un peu film japonais, ouais. Ils peuvent être fucking longs et fucking plates avec leur Christy de moment de réflexion qui sort nulle part en noir et blanc avec le japonais qui commence à jouer du country japonais. Puis qui chante une chanson qui est supposée te faire réfléchir sur tout ça. Ou que tu suis le Big Man Japan qui est dessus un scooter pendant 15 minutes quasiment à suivre. Tu sais, c'est des séquences vraiment longues et plates. OK. En tout cas, c'était bon. J'ai plein de choses à dire sur le film, mais il faut que je dise une chose. Ça finit vraiment cool. OK. Parce que ça finit avec... Tout le film, c'est du CG. Spoil pas, là. Hein? Spoil pas. Spoil tellement ça, André. OK, spoil it. On s'excuse. Parce que si je peux faire une mission... Ça fait plus que 3 mois. Vous allez juste aller sur YouTube... Google Big Man Japan Ending, ça vaut la peine à voir parce que c'est vraiment weird, c'est vraiment fucké, ça fait absolument aucun sens. Mais tout le long du film, c'est du CG weird, comme vraiment, ça me fait penser à du Cartoon Network à 3h du matin. Je sais pas c'est quoi la bibitte là, qui a des pattes de goat, là, vraiment laid. Adventure Time. Oh my god, parle-moi-en pas de ce là, c'est vraiment weird au bout. C'est très weird. Ok, ben c'est genre du 3D comme ça, mais à la fin, out of nowhere, les caméras ils disent... Oh! Les caméras marchent plus. On doit regarder ça en real time. Et ça coupe à des gars dans des soupes qui se battent dessus une maquette. Cool. Puis ça vaut la peine à regarder. C'est comme une famille d'Ultraman qui arrive, qui sauve Big Man Japan. Puis en tout cas, merci Milter pour ça. Je sais pas quoi dire. Mais man, c'était fucké comme film. Je vais sûrement le regarder à cette heure. Le pire, c'est qu'il va falloir que tu l'écoutes maintenant. Oh, ouais, je vais l'écouter. Ce qui nous amène au moment intéressant, c'est que là, Eric, dans le fond, Milter a ouvert le bal en le choisissant la semaine passée. Oui. Là, c'est rendu à ton tour de choisir quelqu'un et d'offrir quelque chose. J'avais pensé à plein de choses. Ok. Je vais dire tout de suite que la victime, c'est André. Je te le démontre tout de suite. D'accord. André, c'est un fanatique de jeux vidéo et tout ça. Puis je vais le mettre au défi ultime d'écrire une critique de jeux vidéo que tu pourrais mettre sur la page Facebook. On est chez nous en passant, je vais m'élever 2 minutes avec ma bière en main, aller chercher le jeu. Là j'ai peur un petit peu parce que connaissant Eric, d'un, j'ai sa console chez nous. Oui. Ouais, okay. J'espère, parce que tu trouves un genre de vieux Dreamcast. Ou... c'est pas mal ça que j'ai peur. Sortir un Turbo Graphics 16. Game Gear, joue à Tasmania. Sors ton 3DO et joue à Daedalus Encounter, puis rappelle-toi comment Tia Career était belle. Tu viens-tu le jeu Populous? Je trouve je trouve ça écœurant. Le fameux God Game Populous. Ouais. Que le jeu, c'est... Attendez pas, c'est pas si fucké que ça, là. Ouais. Mais, d'après moi, c'est parce que je veux que tu te mettes au défi de le finir. En 2 semaines, finir un jeu? Celle-là, tu devrais être capable de le finir en 40 minutes. Si tu me sors Burger King, Sneak King, là. C'était que je l'ai chez nous. Je vais être étonné. Mais c'était priceless. Ah, oui. Juste dire que c'est un jeu de classe, d'après moi. C'est de mes jeux vraiment préférés. C'est mon genre de jeu préféré. Mais c'est pas facile. Même moi, j'ai plus les talents d'être capable de faire ce que je faisais quand j'avais 12 ans, ces genres de jeux-là. Mais c'est que j'aime m'essayer. Mais c'est Raiden 4. Oh fuck. Raiden. Ah, oh, c'est le jeu de side shooter. Ça, c'est un top-down shooter. Ça va que je me rendais au 3e tableau d'Ikaruga. OK. Ben, c'est pas Ikaruga, ça. OK. Mais c'est loin effectivement, Raiden. Okay. C'est oh lui boy. Qui ramasse des boules de couleur. Oui, monsieur. Tu changes de bord, puis tu faut que tu ramasses. Mais je veux. Ça, c'était moins... que... Moi, okay, au pire des cas, je veux une critique de 2-3 paragraphes. 2-3 paragraphes. Mais je veux que tu nous expliques exactement de la fin. Et je veux savoir si t'as compris de l'histoire. Ok, ben t'as peur. C'est qui a fait ça? UFO. Est-ce ouais. que UFO ont compris l'histoire? Je pense qu'il y a personne qui a jamais réussi à comprendre l'histoire des shooters japonais. The roar of thunder is back. Le grondement du tonnerre se fait entendre à nouveau. The series that changed the history of arcade shoot'em ups. C'est un gros statement en passant. Hein? Change the history of arcade shoot'em ups. Ça, faut que... Du jeu de la compagnie UFO et Moss. Mais c'est parce que c'est Moss, si je me trompe pas, qui fait le jeu, mais UFO qui l'a publié. Deux compagnies dont je niais l'existence avant... d'avoir le écoute, jeu. Écoute, le plus ironique là-dedans, là. C'est, Raiden, en passant, c'est une grande franchise. Hey, c'est demandé fans, souvent. Si vous connaissez des shooters, là, ben, ça, c'est du stock, 4, ça, là. Déjà en partant, c'est. Ouais, mais il y en a 4 en période de 20 ans, c'est ça, vous comprenez. 4 en 20 ans, c'est quoi le premier? Il était sur quoi, un arcade? Il était à l'arcade le premier, puis c'est un bon shooter. Moi, je me rappelle, après ça, il y a des adaptations vraiment fidèles, là, au Jaguar et tout. Ok, le t'as soundtrack. Ah, j'ai le soundtrack. Oh. Moi, j'aime beaucoup comment qu'on peut confondre facilement le jeu avec le personnage de Mortal Kombat, là. Que moi, j'avais confondu avec le jeu la première fois que je l'ai vu dans Mortal Kombat. En passant, là. Non, non, mais on va éclaircir quelque chose, là, là. Eric, tu dois connaître ça, là. J'écoute. Il dit quoi, le fucking bonhomme de Mortal Kombat, là? Ok, ok, gueule, là. C'est quoi qu'il dit, je pensais que c'était Umbalaya. Je ne sais pas si c'est ça. Moi, je pensais que c'était Kawabunga. Il quote en passant Snow. Ah, oh man, ça a du sens maintenant. Fait que dans le fond, Raiden, sa sideline, c'est un rappeur canadien des années 90. Oui. Ok. Qui était supposé te battre dans une piscine, dans la piscine originale de Mortal Kombat, qui était un jeu de Van Damme. Ouais, le vrai, là. Le vrai Van Damme. Ok. Donc, en gros, cette semaine, on a fait le tour de l'actualité. On a déblatéré et débordé en masse. Sur ce qui est une refonte et une réadaptation. Réadaptation, dit par le grand linguiste français Éric Hébert. Une nouvelle adaptation. Une nouvelle adaptation, effectivement. On va faire un tour sur Raiden 4. En fait, André va moi-même. Le finir. Le finir. Si je le finis pas, j'ai peur du Dare. Faut pas que tu me le dises, par exemple. Je vais jouer Fair Game, faut pas que tu me le dises. Si je le finis pas la semaine dans deux semaines, j'aurais pu le fermer à boîte, dans le fond. Hein, mais je suis pas mal sûr. C'est parce que d'un, je suis pas mal sûr que tu vas être capable. Mais si t'es pas capable, une chose que je te promets, c'est que tu vas avoir des excellents moments de gamer qui te reviennent te chercher de ton époque de Ninja Gaiden. Parce que d'un, t'as un but. Et de deux, à chaque fois que tu meurs, ça va te frustrer. Okay. Et c'est ça qu'on vivait pas quand on avait 9 ans. Ninja Gaiden, hein? Mourir et vouloir réussir le tableau. La persévérance d'un jeu. La persévérance d'un jeu, ça n'existe plus maintenant. Puis ça me manque des fois. Ça, c'est un fait. Ça va te le retrouver. Je pense qu'en passant, mesdames et messieurs, j'accepte les dons pour me procurer des nouvelles manettes. Parce que la dernière fois que j'ai brisé une manette, c'est en 89. Fait que j'ai l'impression que Raiden va peut-être remédier à ça. Mais merci beaucoup d'être dans nos abonnés, d'avoir pris place avec nous ce soir. On vous remercie grandement. Oubliez pas de follower le monde sur Twitter, puis sur le Geek Collectif, moi Zombie Milter, ça. Moi, Montréalien, mais je suis vraiment poche à Twitter, mais j'essaie très fort. Moi, c'est la grande geek, geek à place des deux E, c'est 2-3. Mais 3-3? Il y a 2-E dans Geek. Il y a 2-3. Combien de gars, mon Joe? 2. 2, je connais. Et pour moi, André Paquette, au Uzumaki QC. Donc, en vous remerciant beaucoup. Le groupe Facebook. Le groupe Facebook, très important. Sans eux, on ne serait certainement pas ici ce soir. Bon, on serait peut-être ici ce soir, mais on ne s'enregistrerait pas, par exemple. C'est ça. Donc, on vous remercie beaucoup. J'ai juste un mot de la fin avant. Oh, un mot de la fin. C'est otorhino-laryngologiste. Oh! Very, very sneaky. Name drop. Donc, merci beaucoup et on se revoit dans deux semaines. J'ai dit. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.